La radiodiffusion française présente, en transmission différée, la diffusion du spectacle de la Comédie Française à Paris, Salle Richelieu. Vous allez entendre pour les débuts de Marie Sabouré, Le prince travesti ou l'illustre aventurier, comédie en trois actes et en prose de Marivaux. Mise en scène de Jean de Bucourt, avec le concours de Jean de Bucourt, qui interprétera le rôle du prince de Léon. Jean Meyer, celui de Frédéric. C'est Daniel Lecourtois qui jouera le prince de Castille et Robert Hirsch, Arlequin, avec Lise de Lamar dans le rôle de la princesse de Barcelone, Denise Noël dans celui de Lisette, Marie Sabouré interprétera Hortense et Jean-Louis de Goth, un garde. Jean de Bucourt vous présente le prince travesti. 1724. Il y a 225 ans, le 5 février, jour du 36e anniversaire de sa naissance, Pierre Carlet, le chamblain de Marivaux, donnait sous l'anonymat au Théâtre des Italiens Le prince travesti, ou l'illustre aventurier, comédie héroïque en trois actes. Pourquoi sous l'anonymat? Personne ne peut le dire avec certitude. On a parlé de jalousie, de cabale, de coups montés. En tout cas, si le succès fut très vif à la première, il faut bien reconnaître qu'à la seconde, le nom de l'auteur étant alors connu, le prince fut sifflé. Mais rassurez-vous, dès la troisième représentation, le vrai public affirmait le succès et la pièce partait pour une série de 10 représentations, ce qui à l'époque était fort joli. À cette époque, alors que Voltaire, qui avait triomphé avec sa tragédie d'Édipe 6 ans plus tôt, allait entrer en maître à la Comédie Française et, au dire de ses contemporains, devenir leur rival de Corneille et de Racine, alors que le sage ne travaillait déjà plus que pour le théâtre de la Foire, Marivaux allait, en l'espace de 20 ans, donner 20 de ses meilleures pièces aux acteurs italiens. Pourquoi aux Italiens? Ici, la réponse est plus facile. C'est Marivaux qui la donne lui-même. Seuls les comédiens italiens sont capables de faire sentir toutes les finesses de mon théâtre. Et il ajoute, les acteurs français ne m'amusent guère. Ils ont de plus un sans-gêne gourmé et une solennité quasiment officielle. Dans cet aéropage, les moucheurs de chandelle et M. Minel Souffleur le prennent de haut avec tout le monde. Vous voyez, mes chers auditeurs, comme tout cela a bien changé. Et Marivaux ajoute, je préfère la grande simplicité de jeu des comédiens italiens qui sont bons garçons et bonnes filles. Pour notre auteur, voilà de bonnes raisons déjà, de donner la préférence à la troupe italienne. Il y en a une autre d'importance. 2 ans plus tôt, 1722, Marivaux avait fait représenter par ces mêmes Italiens à l'hôtel de Bourgogne la première surprise de l'amour. Ce fut un gros succès pour la pièce et un triomphe pour une jeune comédienne, Mademoiselle Rosa Benozzi, dite Sylvia. Comédienne qui, sans être très jolie, avait une grâce infinie, un jeu simple, vrai et touchant, et dont la connaissance du cœur humain l'aidait à discerner et à rendre les moindres nuances de ses rôles. Le temps me manque pour vous raconter l'histoire de la première rencontre de Sylvia dans sa loge avec Marivaux, histoire charmante d'ailleurs. Sachez seulement que Sylvia deviendra sa principale et affectionnée interprète, qu'il la fera travailler et ne travaillera bien que lorsqu'elle l'encouragera. Peu après cette surprise de l'amour, Sylvia joue la double inconstance alors que Marivaux pense déjà pour elle au prince travesti et lui écrit le splendide rôle d'Hortense, un des plus beaux rôles de femme du théâtre du XVIIIe siècle. Je cite de mémoire, qu'il m'en excuse, un passage du remarquable livre de Claude Roy, lire Marivaux. Parlant du rôle d'Hortense, il écrit « Ce n'est ni une ingénue, ni une coquette, ni une soubrette, mais une femme, vivante, frémissante, tour à tour, guerrieuse, mutine, moqueuse. Puis une amante, ajouterais-je, tantôt réservée, tantôt passionnée, tantôt bouleversée, se débattant sans cesse entre sa passion pour l'Hélio et son amitié profonde pour la princesse. C'est un des rôles les mieux conduits de l'ancien répertoire, un des plus complets. Jamais Marivaux n'a poussé plus loin la connaissance et l'analyse du cœur féminin, étudié cette fois non plus dans ses cachettes, mais sous ses aspects les plus universels et les plus vrais. À côté de ce rôle en or, comme nous disons dans notre argot de théâtre, les rôles d'hommes pâlissent un peu. Mettons à part le rôle d'Arlequin, plein de charme, de grâce, de bonne humeur. Et quelle malice sous cette niaiserie sautillante, quel raffinement. Comme nous sommes loin de l'ancien Arlequin balourd et grossier de la fin du siècle dernier. Je ne vous parlerai pas autrement de la pièce, vous allez l'entendre, et puis je ne suis ni critique littéraire ni critique dramatique. Je voudrais ajouter quelques mots sur la mise en scène. Je voudrais dire ce que j'ai tenté de faire. Comment fallait-il jouer le prince travesti? La pièce se situant en Espagne, écrite par un Français et jouée par des Italiens. Cherchons d'abord comment elle fut jouée. Si Rico Boni, directeur de la troupe, qu'interprète Lelio, triomphait généralement dans la tragédie, par contre, il jouait un peu lourdement la comédie. Très grand, très fort, notre illustre aventurier, âgé de 48 ans, n'avait jamais pu se défaire de son accent et parlait avec des sonorités de paysan limousin. Flaminia, sa femme, qui jouait la princesse, avait également un accent très prononcé, ainsi que l'illustre Thomasin dans Frédéric, ainsi que tous leurs camarades. Seule Sylvia n'avait déjà presque plus d'accent à cette époque. Rompus à la comédie dell'arte, les Italiens excellaient pour interpréter brillamment les ouvrages écrits en italien et lorsqu'ils les jouaient dans leur langue maternelle. Et c'est une erreur de parler de leur volubilité et de leur légèreté lorsqu'ils interprétaient une œuvre française. Seul Arlequin s'en tirait toujours parce que les spectateurs attendaient surtout de lui ses lazis, ses mines, ses grimaces au public et ses cabrioles. Ne faisait-il pas le tour du balcon en courant sur le rebord de la balustrade ? Je n'ai pas été jusque-là dans la mise en scène. Sur certains points, je ne pouvais donc faire une imitation des créateurs. Et si j'ai gardé pour Arlequin le jeu merveilleusement coloré sous la bariolure de son costume, j'ai demandé surtout à mes interprètes d'être simples, humains, sensibles et vrais, ce qui était le désir le plus cher de Mario. Gardant l'espoir de ne l'avoir point trahi, si vous le voulez bien, je dirais maintenant, place au théâtre, nous frappons les trois coups. Qu'on aille lui dire encore que je l'attends avec impatience. Ah, je vous demandais, Hortense. Vous paraissez bien agitée, madame. Laissez-nous. Ma chère Hortense. Depuis un an que vous êtes absente, il m'est arrivé une grande aventure. Hier au soir, en arrivant, quand j'ai l'honneur de vous revoir, vous me parus aussi tranquille que vous l'étiez avant mon départ. Cela est bien différent et je vous parus guère ce que je n'étais pas. Mais nous avions des témoins. Et d'ailleurs, vous aviez besoin de repos. Que vous est-il donc arrivé, madame? Car je compte que mon absence n'aura rien diminué de vos bontés et de la confiance que vous avez en moi. Non, sans doute. Le sang nous unit. Je sais votre attachement pour moi et vous me serez toujours chère. Ah, mais j'ai peur que vous ne condamniez mes faiblesses. Moi, madame, les condamner? Il n'est pas un défaut que de n'avoir point de faiblesse. Que ferions-nous d'une personne parfaite? À quoi nous serait-elle bonne? Entendrait-elle quelque chose à nous, à notre cœur, à ses petits besoins? Quel service pourrait-elle nous rendre avec sa raison ferme et sans quartier qui fait main basse sur tous nos mouvements? Croyez-moi, madame, il faut vivre avec les autres et avoir du moins moitié raison, moitié folie pour lier commerce. Avec cela, vous nous ressemblerez un peu. Car pour nous ressembler tout à fait, il ne faudrait presque que de la folie. Mais je ne vous en demande pas tant. Venons au feu. Quel est le sujet de votre inquiétude? J'aime. Voilà ma peine. Comme dites-vous, j'aime, voilà mon plaisir. Car elle est faite comme un plaisir, cette peine que vous dites. Oh non, je vous assure, elle m'embarrasse beaucoup. Mais vous êtes aimée, sans doute. Je crois voir qu'on n'est pas ingrat. Comment? Vous croyez voir? Celui qui vous aime met-il son amour en énigme? Oh, madame, il faut que l'amour parle bien clairement et qu'il répète toujours. Non, encore avec cela, ne parle-t-il pas assez? Je règne. Celui dont il s'agit ne pense pas sans doute qu'il lui soit permis de s'expliquer autrement que par ses respects. Eh bien, madame, que lui donnez-vous un pouvoir plus ample? Car qu'est-ce que c'est que du respect? L'amour est bien enveloppé là-dedans. Sans lui dire précisément, expliquez-vous mieux. Ne pouvez-vous lui glisser la valeur de cela dans quelques regards? Avec deux yeux, ne dit-on pas ce que l'on veut? Je n'ose, Hortense. Un reste de fierté me retient. Il faudra pourtant bien que ce reste-là s'en aille avec le reste. Et si vous voulez vous éclaircir? Mais quelle est la personne en question? Vous avez entendu parler de l'Hélio? Oui, comme d'un illustre étranger qui, ayant rencontré notre armée, servit volontaire il y a 6 ou 7 mois et à qui nous dûmes le gain de la dernière bataille. Celui qui commandait l'armée l'engagea par mon ordre à venir ici. Et depuis qu'il y est, ses sages conseils dans mes affaires ne m'ont pas été moins avantageux que sa valeur. C'est d'ailleurs l'âme la plus généreuse. Est-il jeune? Il est dans la fleur de son âge. De bonne mine? Il me le paraît. Jeune, aimable, vaillant, généreux et sage, cet homme-là vous a donné son cœur. Vous lui avez rendu le vôtre, en revanche. C'est cœur pour cœur. Le troc est sans reproche. Je trouve que vous avez fait là un fort bon marché. Comptons. Dans cet homme-là, vous avez d'abord un amant, ensuite un ministre, ensuite un général d'armée, ensuite un mari, s'il le faut, et le tout pour vous. Voilà donc 4 hommes pour un et le tout en un seul. Madame, ce calcul-là mérite attention. Vous êtes toujours badine. Mais cet homme qui en vaut 4 et que vous voulez que j'épouse, savez-vous qu'il n'est, à ce qu'il dit, qu'un simple gentilhomme et qu'il me faut un prince? Il est vrai que dans nos états, le privilège des princesses qui règnent est d'épouser qui elles veulent. Mais il ne sied pas toujours de se servir de ses privilèges. Madame, il vous faut un prince ou un homme qui mérite de l'être. C'est la même chose. Un peu d'attention, s'il vous plaît. Jeune, aimable, vaillant, généreux et sage, madame, avec cela, fut dîner dans une chaumière, sa naissance est royale. Et voilà mon prince. Je vous défie d'en trouver un meilleur. Croyez-moi, je parle quelquefois sérieusement. Vous et moi restons seuls de la famille de nos maîtres. Donnez à vos sujets un souverain vertueux. Ils se consoleront avec sa vertu du défaut de sa naissance. Vous avez raison, et vous m'encouragez. Mais ma chère Hortense, il vient d'arriver ici un ambassadeur de Castille, dont je sais que la commission est de demander ma main pour son maître. Aurais-je bonne grâce de refuser un prince pour n'épouser qu'un particulier? Si vous aurez bonne grâce, et qui en empêchera? Quand on refuse les gens bien poliment, n'y refusons pas bonne grâce? Eh bien, Hortense, je vous en croirai, mais j'attends un service de vous. Je ne saurais me résoudre à montrer clairement mes dispositions à l'Hélio. Souffrez que je vous charge de ce soin et acquittez-vous-en adroitement dès que vous le verrez. Avec plaisir, madame, car j'aime à faire de bonnes actions. À la charge que, quand vous aurez épousé cet honnête homme-là, il y aura dans votre histoire un petit article que je dresserai moi-même et qui dira précisément « Ce fut la sage Hortense qui procura cette bonne fortune au peuple. La princesse craignait de n'avoir pas bonne grâce en épousant l'Hélio. Hortense lui leva ce vain scrupule qui eut peut-être privé la République de cette longue suite de bons princes qui ressemblèrent à leur père. Voilà ce qu'il faudra mettre pour la gloire de mes descendants qui, par ce moyen, auront en moi une aïeule de Rosemédard. Quel fond de gaieté! Mais ma chère Hortense, vous parlez de vos descendants. Vous n'avez été qu'un an avec votre mari, il ne vous a pas laissé d'enfant. Et toute jeune que vous êtes, vous ne voulez pas vous remarier. Où prendrez-vous votre postérité? Cela est vrai, je ne songeais pas. Et voilà tout d'un coup ma postérité anéantie. Mais trouvez-moi quelqu'un qui ait à peu près le mérite de l'Hélio. Le goût du mariage me reviendra peut-être, car je l'ai tout à fait perdu. Et je n'ai plus un temps. Avant que le comte Rodrigue m'épousât, il n'y avait amour ancien ni moderne qui pût figurer auprès du sien. Les autres amants auprès de lui rampaient comme des mauvaises copies d'un excellent original. C'était une chose admirable. C'était une passion formée de tout ce qu'on peut imaginer en sentiment. Langueur, soupir, transport, délicatesse, douce impatience, le tout ensemble. Pleurs de joie au moindre regard favorable, torrent de larmes au moindre coup d'œil un peu froid, m'adorant aujourd'hui, m'idolâtrant demain, puis qu'idolâtre ensuite, se livrant à des hommages toujours nouveaux. Enfin, si l'on avait partagé sa passion entre 1 million de cœurs, la part de chacun d'eux aurait été fort raisonnable. J'étais enchantée. 2 siècles, si nous les passions ensemble, n'épuiseraient pas cette tendresse-là, disais-je à moi-même. En voilà pour plus que je n'en userais. Je ne craignais qu'une chose, c'est qu'il ne mourût de tant d'amour avant que d'arriver au jour de notre union. Quand nous fûmes mariés, j'eus peur qu'il n'expirât de joie. Hélas, madame, il ne mourut ni avant ni après. Il soutint fort bien la joie. Le premier mois, elle fut violente. Le second, elle devint plus calme, à l'aide d'une de mes femmes qu'il trouva jolie. Le troisième, elle baissa à vue d'œil. Et le quatrième, il n'y en avait plus. Ah, c'était un triste personnage après cela que le mien. J'avoue que cela est affligeant. Affligeant, madame, affligeant. Imaginez-vous ce que c'est que d'être humilié, rebuté, abandonné. Et vous aurez quelques légères idées alors de tout ce qui compose la douleur d'une jeune femme. Être aimé d'un homme autant que je l'étais, c'est faire son bonheur et ses délices. C'est être l'objet de toutes ses complaisances, c'est réunir sur lui, disposer de son âme. C'est voir sa vie consacrée à vos désirs, à vos caprices. C'est passer la vôtre dans la flatteuse conviction de vos charmes. C'est voir sans cesse qu'on est aimable. Oh, que cela est doux à voir. Le charmant point de vue pour une femme. En vérité, tout est perdu quand vous perdez. Eh bien, madame, cet homme dont vous étiez l'idole, concevez qu'il ne vous aime plus et mettez-vous vis-à-vis de lui. La jolie figure que vous y ferez, quel opprobre. Lui parlez-vous, toutes ses réponses sont des monosyllabes. Oui, non, car le dégoût est laconique. L'approchez-vous, il fuit. Vous plaignez-vous, il querelle. Quelle vie, quelle chute, quelle fin tragique. Que cela fait frémir l'amour propre. Voilà pourtant mes aventures. Et si je me rembarquais, j'ai du malheur, je faisais encore naufrage. À moins que de trouver un autre Lélio. Vous ne tiendrez pas à votre colère. Et je chercherai de quoi vous réconcilier avec les hommes. Cela est inutile. Je ne sache qu'un homme dans le monde qui pût me convertir là-dessus. Homme que je ne connais point, que je n'ai jamais vu que deux jours. Je revenais de mon château pour retourner dans la province dont mon mari était gouverneur, quand ma chaise fut attaquée par des voleurs qui avaient déjà fait plier le peu de gens que j'avais avec moi. L'homme dont je vous parle, accompagné de trois autres, vint à mes cris, fondit sur mes voleurs qu'il contraignit à prendre la fuite. J'étais presque évanouie, il vint à moi, s'empressa de me faire revenir et me parut le plus aimable et le plus galant homme que j'ai encore vu. Si je n'avais pas été mariée, je ne sais ce que mon cœur serait devenu. Je ne sais trop même ce qu'il devint alors. Il ne s'agissait plus de cela. Je priai mon libérateur de se retirer. Il insista à me suivre près de deux jours. À la fin, je lui marquai que cela m'embarrassait. J'ajoutai que j'allais joindre mon mari. Et je tirai de mon doigt un diamant que je pressais de prendre, mais sans le regarder. Il s'éloigna très vite et avec quelque sorte de douleur. Mon mari mourut deux mois après. Et je ne sais par quelle fatalité l'homme que j'ai vu m'est toujours resté dans l'esprit. Mais il y a apparence que nous ne nous reverrons jamais, aussi mon cœur est en sûreté. Mais qui est-ce qui vient à nous? C'est un homme à l'Hélio. Il me vient une idée pour vous. Ne saurait-il pas qui est son maître? Il n'y a pas d'apparence, car l'Hélio perdit ses gens à la dernière bataille. Il n'a que de nouveaux domestiques. N'importe, faisons-lui toujours quelques questions. Cherches-tu Harlequin? Ton maître est-il dans le palais? Oh, madame! Je supplie votre principauté de pardonner l'impertinence de mon étourderie. Si j'avais su que votre présence eût été ici, je n'aurais pas été assez nigaud pour y venir apporter ma personne. Tu n'as point fait de mal, mais dis-moi, cherches-tu ton maître? Tout juste, vous l'avez deviné, madame. Depuis qu'il vous a parlé tantôt, je l'ai perdu de vue dans cette peste de maison. Et ne vous déplaise, je me suis aussi perdu, moi. Si vous vouliez bien m'enseigner mon chemin, vous me feriez plaisir. Il y a ici un si grand tas de chambres que j'y voyage depuis une heure sans en trouver le bout. Par la mardi, si vous louez tout cela, cela doit vous rapporter bien de l'argent pourtant. Que de fatras de meubles, de drôleries, de colifichets. Tout un village vivrait un an de ce que cela vaut. Depuis 6 mois que nous sommes ici, je n'avais point encore vu cela. Cela est si beau. Si beau qu'on n'ose pas le regarder. Cela fait peur à un pauvre homme comme moi. Ah, que vous êtes riche, vous autres princes. Et moi, qu'est-ce que je suis en comparaison de cela? Mais n'est-ce pas une autre impertinence que je fais de raisonner avec vous comme avec ma parente? Voilà votre camarade qui rit. J'aurais dit quelques sottises. Adieu, madame. Je salue votre grandeur. Arrête, arrête. Tu n'as pas dit de sottises, au contraire. Tu me parlais de bonne humeur. Oh, pardi, je ris toujours. Que voulez-vous, je n'ai rien à perdre. Vous vous amusez à être riche, vous autres. Moi, je m'amuse à être gaillard. Il faut bien que chacun ait son amusette en ce monde. Ta condition est-elle bonne? Es-tu bien avec les lions? Fort bien. Oh, nous vivons ensemble de bonne amitié. Je n'aime pas le bruit, ni lui non plus. Je suis drôle et cela l'amuse. Il me paie bien, me nourrit bien, m'habille bien honnêtement et de belle étoffe, comme vous voyez. Il me donne par-ci par-là quelques petits profits sans ceux qu'il veut bien que je prenne et qu'il ne sait pas. Et comme ça, je passe tout bellement ma vie. Il est aussi babillard que joyeux. Est-ce que vous avez une meilleure condition pour moi, madame? Non, je n'en fâche pas de meilleure que celle de ton maître. Car on dit qu'il est grand seigneur. Il a l'air d'un garçon de famille. Tu me réponds comme si tu ne savais pas qui il est. Mais non, je n'en sais rien de bonne vérité. Je l'ai rencontré comme il sortait d'une bataille. Je lui fais un petit plaisir. Il me dit grand merci. Il disait que son monde avait été tué. Moi, je lui répondis tant pis. Il me dit, tu me plais, veux-tu venir avec moi? Je lui dis, top, je le veux bien. Ce qui finit, fut fait. Il prit encore d'autres mondes, et puis le voilà qui part pour venir ici. Et puis moi, je pars de même. Et puis nous voilà en voyage, courant la poste. Quel train du diable! Car parlant par respect, j'ai été près d'un mois sans pouvoir m'asseoir. Oh, les maudites mazettes! Oh, tu es un historien bien exact! Oh, quand je compte quelque chose, je n'oublie rien! Bref, tant hier que nous arrivâmes ici, mon maître et moi. La grandeur de madame l'a trouvée brave et l'a favorisée de sa faveur. Car on l'appelle favori. Il n'en est pas plus impertinent qu'il l'était pour cela. Ni moi non plus. Il est courtisé. Et moi aussi. Car tout le monde me respecte. Tout le monde est ici en peine de ma santé et me demande mon amitié. Moi, je la donne à tout le monde. À tout hasard, cela ne me coûte rien. Ils en font ce qu'ils pourront. Ils n'en font pas grand-chose. C'est un drôle de métier d'avoir un maître ici qui a fait fortune. Tous les courtisans veulent être les serviteurs de son valet. On n'en apprendra rien, allons-nous-en. Adieu, Arlequin. Oh, madame, sans compliment, je ne suis pas digne d'avoir cet adieu-là. Cette princesse est une bonne femme. Elle n'a pas voulu me tourner le dos sans me faire une civilité. Tiens, Arlequin. Bon, voilà mon maître. Qu'est-ce que tu fais ici? J'y fais connaissance avec la princesse. Et j'y reçois tes compliments. Que veux-tu dire avec ta connaissance et tes compliments? Est-ce que tu l'as vu, la princesse? Où est-elle? Nous venons de nous quitter. Ah, explique-toi. Que t'a-t-elle dit? Oh, bien des choses. Elle me demandait comment nous nous trouvions ensemble. Quel était le nom de votre père ou de votre mère? Quels étaient leurs métiers? S'ils vivaient de leur rente ou de celle d'autrui? Oh, moi, je lui ai dit que le diable importe celui qui les connaît. Je ne sais pas quelle mine ils ont, s'ils sont nobles ou vilains, gentilshommes ou laboureurs. Et j'ai ajouté que vous aviez l'air d'un enfant d'honnête gens. Ah. Après cela, elle m'a dit, je vous salue. Oui. Moi, je lui ai dit, vous me faites trop de grâce. Et puis, c'est tout. Quel galimatia! Tout ce que j'ai pu comprendre, c'est que la princesse s'est informée de lui s'il me connaissait. Donc, tu lui as dit que tu ne savais pas qui je suis. Oui. Cependant, je voudrais bien le savoir. Ah. Car quelquefois, ça me chicane. Dans la vie, il y a tant de fripons, tant de vauriens qui courent par le monde pour courber l'un, pour attraper l'autre. Et qui ont bonne mine, comme vous. Je vous prends un honnête garçon. Eh bien, ne t'embarrasse pas, Arlequin. Tu as un bon maître, je t'en assure. Vous me payez bien, je n'ai pas besoin d'autre caution. Oui. Et au cas que vous soyez quelques bohémiens, pardi, au moins vous êtes un bohémien de bon compte. Oh, voilà assez, ne sors pas du respect que tu me dois. Tenez, d'un autre côté, je m'imagine quelquefois que vous êtes quelques grands seigneurs. Car j'ai entendu dire qu'il y a eu des princes qui ont couru après Tantaine pour ses beaux dires. Et peut-être que c'est un vertigo qui vous a pris aussi. Ce Benella se serait-il rendu compte de ce que je suis? Et par où je puisse être un prince? Voilà une plaisante idée. Est-ce par le nombre des équipages que j'avais, quand je te prie, par ma magnificence? Bon, belle bagatelle! Tout le monde a cela! Mais par la mardi, personne n'a si bon cœur que vous. Et il m'est avis que c'est là la marque d'un prince. On peut avoir le cœur bon sans être prince. Et pour être prince, on a plus à travailler qu'un autre. Mais puisque tu es attaché à moi, je veux bien te confier que je suis un homme de condition qui me divertit à voyager inconnu pour étudier les hommes et savoir ce qu'ils sont dans tous les états. Oui, voilà mon secret, mon enfant. Ma foi, cette étude-là vous apprendra que misère. Ah, c'était pas la peine de courir la poste pour aller étudier toute cette racaille. Qu'est-ce que vous faites de cette connaissance des hommes? Vous n'apprendrez rien que des pauvretés. C'est qu'ils me tromperont plus. Ça vous gâtera. D'où vient? Vous ne serez plus si bon enfant quand vous serez bien savant sur cette race-là. En voyant tant de canailles, par des picanailles, vous deviendrez. Il ne raisonne pas mal. Allez, adieu, Arlequin. Te voilà instruit. Garde-moi le secret. Je vais retrouver la princesse. De quel côté tournerai-je pour retrouver notre cuisine? Ne sais-tu pas ton chemin? Tiens, tu n'as qu'à suivre cette gale. Ah. La princesse cherche à me connaître. Et cela me confirme dans mes soupçons. Les services que je lui ai rendus ont disposé son cœur à me vouloir du bien. Et mes respects empressés l'ont persuadé que je l'aimais sans oser le lui dire. Depuis que j'ai quitté les états de mon père et que je voyage sous ce déguisement pour rater l'expérience dont j'aurais besoin si je règne un jour, je n'ai fait nulle part un séjour si long qu'ici. À quoi donc aboutira-t-il? Mon père souhaite que je me marie et me laisse le choix d'une épouse. Ne dois-je pas m'en tenir à cette princesse? Car elle est aimable. Et si je lui plais, rien n'est plus flatteur pour moi que son inclination, elle ne me connaît pas. N'en cherchons donc point d'autre qu'elle. Déclarons-lui qui je suis. Enlevons-la au prince de Castille, qui en voit la demander. Elle ne m'est pas indifférente. Mais que je l'aimerai, sans le souvenir inutile que je garde encore de cette belle personne, que je sauverai des mains des voleurs. Voilà, madame. connais cette dame-là. Que vois-je ? Me reconnaissez-vous, madame ? Je crois que oui, monsieur. Me fuirez-vous encore ? Il le faudra peut-être bien. Et pourquoi le faudra-t-il ? Vous déplaise-t-on que vous puissiez au moins supporter ma vue ? Monsieur, la conversation commence d'une manière qui m'embarrasse. Je ne sais que vous répondre. Je ne saurais vous dire que vous me plaisez. Non, madame, je ne l'exige point non plus. Ce bonheur n'est pas fait pour moi et je ne mérite sans doute que votre indifférence. Je ne serais pas assez modeste si je vous disais que vous l'êtes trop. Mais de quoi s'agit-il ? Je vous estime. Je vous ai une grande obligation. Nous nous retrouvons ici, nous nous reconnaissons. Vous n'avez pas besoin de moi. Vous avez la princesse. Que pourriez-vous me vouloir encore ? Vous demandez la seule consolation de vous ouvrir mon cœur ? Oh, je vous consolerai mal. Je n'ai pas de talent pour être confidente. Vous confidente, madame ? Oh, vous ne voulez pas m'entendre ? Non, c'est naturel. Et pour preuve de cela, vous pouvez vous expliquer mieux, je ne vous en empêche point. Cela est sans conséquence. Et quoi, madame ? Le chagrin que j'eus en vous quittant il y a 7 ou 8 mois ne vous a point appris mes sentiments ? Le chagrin que vous eûtes en quittant. Et à propos de quoi ? Qu'est-ce que c'était que votre tristesse ? Rappelez-moi le sujet, voyons, je ne m'en souviens plus. Que m'en coûta-t-il pour vous quitter, vous, que j'aurais voulu ne quitter jamais, et dont il faudra pourtant que je me sépare ? Quoi ? C'est là ce que vous entendiez ? En vérité, je suis confuse de vous avoir demandé cette explication-là. Je vous prie de croire que j'étais dans la meilleure foi du monde. Oh, je vois bien, madame, que vous ne voudrez pas en apprendre davantage. Vous n'avez donc point oublié. Non, madame, je ne l'ai jamais pu. Et puisque je vous revois, je ne le pourrai jamais. Mais quelle erreur était la mienne quand je vous quittais ? Je crus recevoir de vous un regard dont la douceur me pénétra. Je vois bien que je me suis trompé. Je me souviens de ce regard-là, par exemple. Et que pensiez-vous, madame, en me regardant ainsi ? Je pensais apparemment que je vous devais la vie. Ah, c'était donc une pure reconnaissance. J'aurais de la peine à vous rendre compte de cela. J'étais pénétrée du service que vous m'aviez rendu, de votre générosité. Vous alliez me quitter et je vous voyais triste. Je l'étais peut-être moi-même. Je vous regardais comme je pus, sans me gêner, sans savoir comment. Il y a des moments où les regards signifient ce qu'ils peuvent. On ne répond de rien. On ne sait pas trop ce qu'on y met. Il y a entre trop de choses et peut-être de tout. Ce que je sais, c'est que je me serais bien passée de savoir votre secret. Que vous importe de le savoir, puisque j'en souffrirai tout seul. Tout seul ? Ôtez-moi donc mon cœur. Ôtez-moi ma reconnaissance. Ôtez-vous vous-même. Que vous dirai-je de mes pitiés ? Il est vrai que votre pitié m'est bien due. J'ai plus d'un chagrin, vous ne m'aimerez pas. Et vous m'avez dit que vous étiez mariée. Eh bien, si vous ! Perdez du moins la moitié de vos chagrins. À l'égard de celui de n'être point aimé. Achevez, madame. À l'égard de celui-là. Faites comme vous pourrez. Je ne suis pas mal intentionnée. Ah. Mais, supposons que je vous aime. N'y a-t-il pas une princesse qui croit que vous l'aimez, qui vous aime peut-être elle-même, qui est vive, qui est la maîtresse ici, qui peut disposer de vous et de moi ? À quoi mon amour aboutirait-il ? Il n'aboutira à rien dès lors qu'il n'est qu'une supposition. J'avais oublié que je le supposais. Mais n'en viendra-t-il jamais réel ? Je ne vous dirai plus rien. Vous m'avez demandé la consolation de m'ouvrir votre cœur et vous me trompez. Au lieu de ça, vous prenez la consolation de voir dans le mien. Je sais votre secret. Voilà, c'est. Laissez-moi garder le mien, si je l'ai encore. Voilà un coup de hasard qui change tous mes desseins. Il ne s'agit plus maintenant d'épouser la princesse. Tâchons de m'assurer parfaitement du cœur de la personne que j'aime. Et s'il est vrai qu'il soit sensible pour moi. J'oubliais de vous informer d'une chose. La princesse vous aime. Vous pouvez aspirer à tout, je vais la prendre sa part. Il en arrivera ce qu'il pourra. Adieu. Et de grâce, madame. Arrêtez un instant. Quoi, la princesse elle-même, vous aurez chargé, me dire ? Voilà de gros transports. Mais je n'ai pas charge de les rapporter. J'ai dit ce que j'avais à vous dire. Vous m'avez entendu. Je n'ai rien à savoir de vous. Et moi, madame, ma réponse à cela est que je vous adore. Et je vais de ce pas la porter à la princesse. Oui, songez-vous, si elle sait que vous m'aimez, vous ne pourrez plus me le dire. Je vous en avertis. Cette réflexion m'arrête. Mais il est cruel de se voir soupçonner de joie quand on a que trouble. Oh, sort cruel. Vous avez raison de vous fâcher. La vivacité qui vient de me prendre vous fait beaucoup de tort. Et il doit vous rester de violents chagrins. Il ne me reste que des sentiments de tendresse qui ne finiront qu'avec ma vie. Et que voulez-vous que je fasse de ces sentiments-là? Que vous les honoriez d'un peu de retour. Je ne veux point. Je réponds tout. Nous prendrons nos mesures et je suis d'un rang... Votre rang est d'être un homme aimable et vertueux. Et c'est là le plus beau rang du monde. Mais je vous le dis encore une fois, cela est résolu, je ne vous aimerai point. Je n'en conviendrai jamais. Aucune moi vous aimer, vous accorder mon amour pour vous empêcher de régner, pour causer la perte de votre liberté, peut-être plus. Mon cœur vous ferait là de beaux présents. Non, Lélio, non. N'en parlons plus. Donnez-vous tout entier à la princesse et je vous le pardonne. Cachez votre tendresse pour moi. Ne me demandez plus la mienne. Vous vous exposeriez à l'obtenir et je ne veux point vous l'accorder. Je vous aime trop pour vous perdre. Je ne peux pas mieux dire. Adieu, je crois que quelqu'un veut. J'obéirai, je me conduirai comme vous voudrez. Je ne vous demande plus qu'une grâce et de vouloir bien quand l'occasion s'en présentera que j'ai encore une conversation avec vous. Prenez-y garde, une conversation en amènera une autre et cela ne finira point. Ne m'en refusez pas. Bien. N'abusez point de l'envie que j'ai dû consentir. Je vous en conjure. Soit. Perdez-vous donc, puisque vous le voulez. Je comble de la joie, j'ai retrouvé ce que j'aimais. J'ai touché le seul cœur qui pouvait rendre le mien heureux. Il ne s'agit plus maintenant que de convenir avec cette aimable personne de la manière dont je m'y prendrai pour m'assurer sa main. Puis-je avoir l'honneur de vous dire un mot? Volontiers, monsieur. Je me flatte d'être de vos amis. Vous faites honneur. Sur ce pied-là, je prendrai la liberté de vous prier d'une chose. Vous savez que le premier secrétaire d'État de la princesse vient de mourir. Et je vous avoue que j'aspire à sa place. Mais dans le rang où je suis, je n'ai plus qu'un pas à faire pour l'obtenir. Naturellement, elle me paraît due. Il y a 25 ans que je sers l'État en qualité de conseiller de la princesse. Je sais combien elle vous estime et défère à vos avis. Je vous prie donc de faire en sorte qu'elle pense à moi. Vous ne pouvez obliger personne qui soit plus votre serviteur que je le suis. On sait à la cour en quels termes je parle de vous. Vous y dites donc beaucoup de bien de moi. Assurez-vous. Ayez la bonté de me regarder un peu fixement en me disant ça. Je vous le répète encore, d'où vient que vous me tenez ce discours? Oui, vous supportez cela à merveille. L'admirable homme de cour que vous êtes. Je ne comprends pas. Je m'expliquerai mieux. C'est que le service que vous me demandez ne vaut pas qu'un honnête homme, pour l'obtenir, s'abaisse jusqu'à trahir ses sentiments. Jusqu'à trahir ses sentiments? Et par où jugez-vous que l'amitié dont je vous parle ne soit pas vraie? Vous me haïssez, vous dis-je. Je le sais. Et je ne vous en veux aucun mal. Il n'y a que l'artifice que vous employez que je condamne. Je vois bien que quelqu'un de mes ennemis vous aura indisposé contre moi. C'est de la princesse elle-même que je tiens ce que je vous dis. Et quoiqu'elle n'en ait fait aucun mystère, vous ne le sauriez pas sans vos compliments. J'ignore si vous avez craint la confiance dont elle m'honore, mais depuis que je suis ici, vous n'avez rien oublié pour lui donner de moi des idées désavantageuses. Et vous tremblez tous les jours, dites-vous, que je ne sois un espion, gagé par quelque puissance, ou quelque aventurier qui s'enfuira au premier jour avec de grosses sommes si on le met en état d'en prendre. Si vous appelez ça de l'amitié, vous en avez beaucoup pour moi. Mais vous aurez de la peine à faire passer votre définition. Puisque vous êtes si bien instruit, je vous avouerai franchement que mon zèle pour l'État m'a fait tenir ce discours-là et que je craignais qu'on ne se repentît de vous avancer trop. Je vous ai cru suspect et dangereux. Voilà la vérité. Parbleu, vous me charmez de me parler ainsi. Vous ne vouliez me perdre que parce que vous me soupçonniez d'être dangereux pour l'État. Oh, vous êtes louable, monsieur. Votre zèle est digne de récompense. Oui, je veux l'imiter, moi, qui dois tout à la princesse. Vous avez craint qu'on ne m'avançât parce que vous me croyez dangereux pour l'État. Et moi, je craindrais qu'on ne vous fît ministre parce que je ne crois pas que l'État y gagne. Ainsi, je ne parlerai point pour vous. Ne m'en louez-vous pas aussi? Vous êtes fâché. Non, en homme d'honneur, je ne suis pas homme à me venger de vous. Rapprochons-nous. Vous êtes jeune, la princesse vous estime, et j'ai une fille aimable qui est en assez bon parti. Unissons nos intérêts et devenez mon gendre. Y pensez-vous, monsieur? Mais ce mariage serait une conspiration contre l'État. Il faudrait travailler à vous faire ministre. Vous refusez l'offre que je vous fais? Comment? Un espion devenir votre gendre? Votre fille devenir la femme d'un aventurier. Je vous demande grâce pour elle. J'ai pitié de la victime que vous voulez sacrifier à votre ambition. C'est pas trop aimer la fortune. Je crois offrir ma fille à un homme d'honneur, et d'ailleurs, vous vous m'accusez d'un plaisant crime, d'aimer la fortune. Et qui est-ce qui n'aimerait pas à gouverner? Celui qui en serait digne. Celui qui en serait digne? Oui. Un homme qui aurait plus de vertu que d'ambition ou d'avarice. Mais cet homme-là n'y verrait que de la peine. Vous avez bien de la fierté. Oh non, ce n'est que du zèle. Ne vous flattez pas tant. On peut tomber de plus haut que vous n'êtes. La princesse verra clair un jour. Ah, vous voilà dans votre figure naturelle. Je vous vois le visage à présent. Il n'est pas joli. Mais cela vaut mieux que le masque que vous portiez tout à l'heure. Je vous cherchais, Lélio. Vous êtes de ces personnes que les souverains doivent s'attacher. Il ne tiendra pas à moi que vous ne vous fixiez ici. Et j'espère que vous accepterez l'emploi de mon premier secrétaire d'État. Madame, vos bontés sont infinies, mais mon métier est la guerre. Vous faites mieux qu'un autre tout ce que vous voulez faire. Et quand votre présence sera nécessaire à l'armée, vous choisirez pour exercer vos fonctions ici ceux que vous en jugerez les plus capables. Ce que vous ferez n'est pas sans exemple dans cet État. Madame, vous avez d'habiles gens, d'anciens serviteurs à qui cet emploi convient beaucoup mieux qu'à moi. La supériorité de mérite doit l'emporter en pareil cas sur l'ancienneté des services. D'ailleurs, Frédéric est le seul que cet emploi pouvait regarder si vous n'y étiez pas. Mais il m'est affectionné et je suis sûre qu'il se soumet de bon cœur au choix qui m'a paru le meilleur. Frédéric, soyez ami de Lélio. Je vous le recommande. C'est aujourd'hui le jour de ma naissance et ma cour, suivant l'usage, me donne une fête que je vais voir. Lélio, donnez-moi la main pour vous conduire. Vous y verra-t-on, Frédéric? Madame, les fêtes ne me conviennent plus. Si je ne viens à bout de perdre cet homme-là, ma chute est sûre. Un homme sans nom, sans parents, sans patrie, car on ne sait d'où il vient, m'arrache le ministère, le fruit de 30 années de travail. Quel coup de malheur. Je ne saurais digérer une aussi bizarre aventure. Je n'en saurais douter. C'est l'amour qui a nommé ce ministre-là. Ouais. La princesse a du penchant pour lui. Ne pourrait-on savoir l'histoire de sa vie errante et prendre ensuite quelques mesures avec l'ambassadeur du roi de Castille dont j'ai la confiance? Oh, voici le valet de cet aventurier. Tâchons à quelque prix que ce soit de le mettre dans mes intérêts. Il pourra m'être utile. Bonjour, Arlequin. Es-tu bien riche? 24, 25, 26 et 27 sous. J'en avais 30. Comptez vous-même, monseigneur le conseiller. N'est-ce pas 3 sous que je perds? Cela est juste. Eh bien, que le diable emporte le jeu et les fripons avec. Ouais, tu jures pour 3 sous de perdre. Je veux te rendre la joie. Tiens. Voilà une pistole. Le brave conseiller que vous êtes! Vous méritez bien une cabriole! Te voilà de meilleure humeur! Quand j'ai dit que le diable emporte les pipons, je ne vous comptais pas au moins! J'en suis persuadé! Mais il me manque toujours 3 sous? Non, car il y a bien des 3 sous dans une pistole! Il y a bien des 3 sous dans une pistole? C'est inférieur aux 3 sous qui manquent dans mon chapeau! Je vois bien qu'il t'en faut encore une autre. Tiens! Deux cabrioles! Aimes-tu l'argent? Beaucoup! Ah, tu serais donc bien aise de faire une petite fortune. Quand elle serait grosse, je la prendrais en passion. Écoute, j'ai bien peur que la faveur de ton maître ne soit pas longue. Elle est un grand coup de hasard. C'est comme s'il avait gagné aux cartes? Le connais-tu? Non, je crois que c'est quelque enfant trouvé. Je te conseillerais de t'attacher à quelqu'un de stable. À moi, par exemple. Oh, vous avez l'air d'un bonhomme. Vous êtes trop vieux. Comment trop vieux? Oui, vous mourrez bientôt et vous me laisseriez orphelin de votre amitié. J'espère que tu ne seras pas mon prophète. Mais je puis te faire beaucoup de bien en très peu de temps. Mais tenez, vous avez raison. Mais on sait bien ce qu'on quitte et l'on ne sait pas ce que l'on prend. Je n'ai pas d'esprit. Mais de la prudence, j'en ai que c'est une merveille. Et voilà comme je dis. Un homme qui se trouve bien assis, qu'a-t-il besoin de se mettre debout? J'ai bon pain, bon vin, bonne fricassée et bon visage. Santé, tu parents et les étrennes au bout. Cela lui dit pas magnifique. Tu me cites là de beaux avantages. Je ne prétends pas que tu t'attaches à moi pour être mon domestique. Non, je veux te donner des emplois qui t'enrichiront. Et par-dessus le marché, te marier avec une jolie fille qui a du bien. Oh. Dame, ma prudence dit que vous avez raison. Je suis debout et vous me faites asseoir, cela vaut mieux. Il n'y a pas de comparaison. Pardi, vous me traitez comme votre enfant, il n'y a pas d'attentiller à cela. Du bien, des emplois et une jolie fille. Voilà une pleine boutique de vivres, d'argent et de friandises. Par la sanguine, vous m'aimez beaucoup pourtant. Ah oui, oui, ta physionomie me plaît. Je trouve un bon garçon. Oh, pour cela, je suis drôle comme un coq. Laissez faire, nous rirons comme des fous ensemble. Mais allons vite faire venir ce bien, ces emplois et cette jolie fille. Car j'ai hâte d'être riche et bien aise. Ils sont assurés, te dis-je. Mais il faut que tu me rendes un petit service. Puisque tu te donnes à moi, tu n'en dois point faire de difficultés. Je vous regarde comme mon père. Je ne veux de toi qu'une bagatelle. Et tu es chez le seigneur Lélio. Là, je serais curieux de savoir qui il est. Je souhaiterais donc que tu restasses encore 3 semaines ou 1 mois pour me rapporter tout ce que tu lui entendras dire en particulier et tout ce que tu lui verras faire. Il peut arriver que dans certains moments, un homme chez lui dise de certaines choses et en fasse d'autres qui le décèlent et dont on peut tirer des conjectures. Observe tout soigneusement. Et en attendant que je te récompense entièrement, tiens, voilà par avance de l'argent que je te donne encore. Avancez-moi encore la fille, nous la rabattrons sur le règle. On ne fait un service qu'après qu'il ait rendu mon enfant, c'est la coutume. Coutume de village, ça. Tu n'attendras que 3 semaines. J'aime mieux vous faire mon billet comme quoi j'aurais reçu cette fille à con. Je ne plaiderai pas contre mon écrit. Tu me serviras de meilleur courage en l'attendant. Acquitte-toi d'abord de ce que je te demande. Pourquoi hésites-tu? Tout franc? C'est que la commission chiffonne. Quoi? Tu mets mon argent dans ta poche et tu refuses de me servir? Ne parlons pas de votre argent, il est fort bon, je n'ai rien à lui dire. Maintenant, j'ai opinion, vous voulez me donner un office de Pluton. Car qu'est-ce que vous voulez faire des paroles du seigneur Lélio, mon maître, là? C'est une simple curiosité qui me prend. Il y a de la malice là-dessus. Vous avez l'air d'un sournois. Je m'avais gagé 10 sous contre vous, vous ne valez rien. Mais que mets-tu donc dans l'esprit? Tu n'y songes pas, le cas. Oh, allez, vous ne devriez pas tenter à un pauvre garçon qui n'a pas plus d'honneur qu'une nuit en faux. Qui a l'esprit? C'est bien de la peine à m'empêcher d'être un coquin. Faut-il que l'honneur me ruine, qu'il montre mon bien, mes emplois? Jeune fille. Par la margine, d'être bien méchant d'avoir été trouvé l'invention de cette fille. Ce butor m'inquiète avec ses réflexions. Mais encore une fois, es-tu fou d'être si longtemps à prendre ton parti? D'où te vient ton scrupule? De quoi s'agit-il? De me donner quelques instructions innocentes sur le chapitre d'un homme inconnu qui demain tombera peut-être et qui te laissera sur le pavé? Songes-tu bien que je t'offre la fortune et que tu la perds? Je songe que cette commission-là sent le tricot tout pur. Et par bonheur que ce tricot fortifie mon pauvre honneur qui a pensé d'arguigner. Tenez, votre jeune fille, ce n'est qu'une guenon. Vos emplois de la marchandise de chien, voilà mon dernier mot. Et je m'en vais tout droit trouver la princesse et mon maître. Peut-être récompenseront-ils le dommage que je souffre pour l'amour de ma bonne conscience. Pourquoi tu vas trouver la princesse et ton maître? D'où viens? Pour leur compter mon désastre et toute votre marchandise. Misérable! As-tu donc résolu de me perdre? De me déshonorer? Oh bon, quand on n'a pas d'honneur, est-ce qu'il faut avoir de la réputation? Si tu parles, malheureux que tu es, je prendrai de toi une vengeance terrible. Ta vie me répondra de ce que tu feras, m'entends-tu bien? Ma vie n'a jamais servi de caution. Je boirai encore bouteille 30 ans après votre trépassement. Vous êtes vieux comme le père Intrépous. Et moi, je m'appelle le cadet Arlequin. Adieu! Arrête, Arlequin! Tu me mets au désespoir. Tu ne sais pas la conséquence de ce que tu vas faire, mon enfant. Si tu me fais trembler, c'est toi-même que je te conjure d'épargner en te priant de sauver mon honneur. Encore une fois, arrête! La situation d'esprit où tu mènes me punique trop de mon impérience. Comment? Cela est épouvantable! Je passe mon chemin sans penser à mal, et puis vous venez à l'encontre de moi pour m'offrir des filles, et puis vous me donnez une pistole pour 3 sous. Est-ce que cela se fait? Moi, je prends cela parce que je suis honnête. Et puis vous me fourbez encore avec je ne sais combien d'autres pistoles que j'ai dans ma poche, et que je ferai venir en témoignage contre vous, comme quoi vous avez mitonné le cœur d'un innocent qui a eu sa conscience et la crainte du bâton devant les yeux, et qui comme là aurait failli tomber, qui est le plus brave et le plus gentil garçon, le meilleur mort qu'on puisse trouver dans tous les corps du monde, et le factotum de la princesse. Cela peut-il souffrir? Doucement, Arlequin, que quelqu'un peut venir, j'ai tort, mais finissons. J'achèterai ton silence tout ce qu'il te plaira. Parle, que demandes-tu? Je ne vous ferai pas bon marché, prenez garde. Dis ce que tu veux, tes longueurs me tuent. Pourtant, ce que c'est que d'être honnête homme, je n'ai que cela pour tout potage, moi. Voyez comme je me carre avec vous. Allons, Présentez-moi votre requête. Appelez-moi un peu, monseigneur, pour voir comment cela fait. Je suis Frédéric à cette heure. Et vous, vous êtes Arlequin. Je ne sais où j'en suis. Quand je nierai le fait, c'est un homme simple qu'on encourage trop sur une infinité d'autres présomptions. Et la quantité d'argent que je lui ai donné prouve contre moi. Finissons, mon enfant. Que te faut-il? Ah, ah, tout bellement. Pendant que je suis Frédéric, je veux profiter un petit bras de ma seigneurie. Quand j'étais Arlequin, vous faisiez le gros dos avec moi. À cette heure que c'est vous qui l'êtes, je veux prendre ma revanche. Superbe. Vous me faites pitié. Allons, consolez-vous. Je suis là pour le glorieux Slay Tronceau. Il n'y a que vous qui puissiez vous accoutumer à cela. Ajustons-nous. C'est une acadie. Hein. Ah, avez-vous encore de cet argent jaune? J'aime cette couleur, elle dure plus longtemps qu'une autre. Tiens, voilà tout ce qui me reste. Ces pistoles-là, c'est pour votre pénitence de m'avoir donné les autres pistoles. Venons au reste de la boutique. Parlons des emplois. Mais ces emplois, tu ne peux les exercer qu'en quittant ton maître. J'aurai un commis. Et pour l'argent qu'il m'en coûtera, vous me donnerez une bonne pension de 100 écus par an. Ce soit. Tu seras content. Mais me promets-tu de te taire? Je suis là, ce marché. Tu ne te repentiras pas de m'avoir tenu parole. Adieu, Arlequin. Je m'en vais tranquille. Que veux-tu? Et à propos, nous oublions cette jolie fille. Tu dis que c'est une guenon. Oh! J'aime assez les guenons. Eh bien, je tâcherai de te la faire avoir. Et moi, je tâcherai de me taire. Puisqu'il te la faut absolument, reviens me trouver tantôt. Tu la verras. Peut-être me débauchera-t-elle mieux que je n'ai pu le faire. Je veux avoir son cœur sans tricherie. Ah, sans doute, sans doute. Sortons d'ici. Dans un quart d'heure, je suis à vous. Tenez-moi la vie prête. Le rideau vient de tomber à la salle Richelieu, à Paris, sur le premier acte de Le prince travesti ou l'illustre aventurier, comédie en trois actes en prose de Marivaux. Mise en scène, nous vous la rappelons, de Jean de Bucourt. Le rideau se lève sur le second acte. Mon bijou! J'ai fait une offense envers vos grâces et je suis avis de vous en demander pardon pendant que j'en ai la repentance. Quoi? Un aussi joli garçon que vous est-il capable d'offenser quelqu'un? Un aussi joli garçon que moi? Oh! Oh, cela me confond. Je ne mérite pas le pain que je mange. Pourquoi donc? Qu'avez-vous fait? J'ai fait une insolence. Donnez-moi conseil. Voulez-vous que je m'en accuse à genoux ou bien sous mes deux jambes? Dites-moi sans façon, faites-moi bien de la honte. Ne m'épargnez pas. Je ne veux ni vous battre ni vous voir à genoux. Je me contenterai de savoir ce que vous avez dit. Mamie, vous n'êtes point assez rude. Mais je sais mon devoir. Levez-vous donc, mon cher, je vous ai déjà pardonné. Écoutez-moi. J'ai dit en parlant de votre inimitable personne, j'ai dit... Le reste est si gros qu'il m'étrangle. Vous avez dit... J'ai dit que vous n'étiez qu'une guenon. Quoi donc, m'aimez-vous si vous me trouvez telle? Je confesse que j'en ai menti. Je me croyais plus supportable, voilà la vérité. Vous ai-je pas dit que j'étais un misérable? Et maman, je n'avais point encore vu... Votre gentil minois! Ouah! Ouah! Comment? Vous ne me connaissiez pas dans ce temps-là? Vous ne m'aviez jamais vu? Pas seulement le bout de votre nez! Eh bien, mon cher Arlequin, je ne suis plus fâchée. Ne me trouvez-vous pas de votre goût à présent? Vous êtes délicieuse! Eh bien, vous ne m'avez pas insultée! Et quand cela se fait? Y a-t-il de meilleure réparation que l'amour que vous avez pour moi? Allez, mon ami, ne songez plus à cela. Quand je vous regarde, je me trouve si sot. Oh, tant mieux. Je suis bien aise que vous m'aimiez. Car vous me plaisez beaucoup, vous. Oh. Oh. Vous me faites mourir d'aide. Mais est-il bien vrai que vous m'aimiez? Tenez, je vous aime. Mais qui diantre peut dire cela combien je vous aime? Cela est si gros que je n'en sais pas le compte. Vous voulez m'épouser? Ah, je ne badine point. Je vous recherche honnêtement par devant notaire. Vous êtes tout à moi? Comme un carteron d'épingle que vous auriez acheté chez le marchand. Vous avez envie que je sois heureuse? Je voudrais pouvoir vous entretenir fainéante toute votre vie. Manger, boire, dormir. Voilà l'ouvrage que je vous souhaite. Eh bien, mon ami, il faut que je vous avoue une chose. J'ai fait tirer mon horoscope il n'y a pas plus de 8 jours. Oh! Vous passâtes dans ce moment-là, et on me dit, Voyez-vous ce joli brunet qui passe? Il s'appelle Arlequin. Tout juste! Il vous aimera. Ah! La vilaine! Le seigneur Frédéric lui proposera de servir contre un inconnu. Il refusera d'abord de le faire parce qu'il s'imaginait que ce ne serait pas bien. Mais vous obtiendrez de lui ce qu'il aura refusé au seigneur Frédéric. Et de là, s'ensuivra pour vous deux une grosse fortune dont vous jouirez mariés ensemble. Voilà ce qu'on m'a prédit. Vous m'aimez déjà? Vous voulez m'épouser? La prédiction est bien avancée. À l'égard de la proposition du seigneur Frédéric, je ne sais ce que c'est. Oh, mais vous savez bien ce qu'il vous a dit. Quant à moi, il m'a seulement recommandé de vous aimer. Et je suis en bon train, comme vous voyez. Oh! Cela est admirable. Je vous aime, cela est vrai. Je veux vous épouser, cela est encore vrai. Et véritablement, le seigneur Frédéric m'a proposé d'être un fripon. Je n'ai pas voulu l'être. Et pourtant, vous verrez qu'il faudra que j'en passe par là. Car quand une chose est prédite, elle ne manque pas d'arriver. Prenez garde. On ne m'a pas dit que le seigneur Frédéric vous proposerait une friponnerie. On m'a seulement prédit que vous croiriez que c'en serait une. Je l'ai cru aussi. Et apparemment, je me suis trompée. Quand cela va passer. Oh, je suis un grand gigot. Mais au bout du compte, cela avait la mine d'une friponnerie comme chez la mine d'Arlequin. Je suis parti d'avoir vilipendé de monseigneur Frédéric. Je ne lui ai pas donné tout son argent. Mais par bonheur, je ne suis pas obligé à restitution. Je ne devinais pas qu'il y avait une prédiction qui me donnait le tort. Sans doute. Ah, avec là, cette prédiction doit avoir prédit que je lui viderais sa bourse. Regardez ce que vous avez reçu. Cet argent-là m'était vu comme une lettre de change. Si j'allais le rendre, ça gâterait l'horoscope. Et il ne faut pas cela à l'encontre d'un astrologue. Oh, vous avez raison. Il ne s'agit plus à présent que d'obéir à ce qui est prédit, faisant ce que souhaite le seigneur Frédéric. Afin de gagner pour nous cette grosse fortune qui nous est promise. Gagnons, mamie, gagnons, cela est juste. Arlequin est à vous, tournez-le, virez-le à votre fantaisie. Je ne m'embarrasse plus de lui. La prédiction est transportée à vous, elle sait bien ce qu'elle fait. Il ne m'appartient pas de contredire son ordonnance. Je vous aime, je vous épouserai, je tromperai monsieur les lions et je m'engonce. Le vent me pousse, il faut que j'aille. Il me pousse à baiser votre bonne chance, il faut que je la baise. L'astrologue a mentionné cet article-là. Il l'aura peut-être oublié. Apparemment, mais allons trouver le seigneur Frédéric pour vous réconcilier avec lui. Voilà mon maître. Je vais être encore 3 semaines avec lui pour guetter ce qu'il fera et je vais voir s'il n'a pas besoin de moi. Allez, mes amours, allez m'attendre chez le seigneur Frédéric. Ne tardez pas! Il ne me voit pas. Voyons sa pensée. Voilà dans un embarras dont je ne sais comment me tirer. Il est embarrassé. Je tremble que la princesse, pendant la fête, n'ait surpris mes regards sur la personne que j'aime. Il tremble à cause de la princesse? Tu bleu, ce frisson-là est une affaire d'État. Vertu chou. Si la princesse vient à soupçonner mon penchant pour son ami, sa jalousie me la dérobera et peut-être fera-t-elle pis. Oh, la dérobera. Il traite la princesse de friponne. Par la sambille, monsieur le conseiller fera bien tes orges de ces brides-là que je ramasse et je vois bien que l'amboudra pignon sur rue. Il me faudrait une entrevue. Qu'est-ce que c'est qu'une entrevue? Je crois qu'il parle latin. Le pauvre ami me fait pitié pourtant. Car peut-être qu'il en mourra, mais l'horoscope le veut. Cependant, si j'avais un peu sa permission. Voyons, je vais lui parler. Oh, mon cher maître. Que veux-tu? Je viens vous demander une massive fortune. Et quelle est cette fortune? C'est que le seigneur Frédéric m'a promis tout plein mes poches d'argent si je lui comptais un peu ce que vous êtes et tout ce que je sais de vous. Il m'a bien recommandé le secret. Je suis obligé de le garder en conscience. Ce que j'en dis, c'est que par manière de parler, vous voulez que je lui rapporte toutes ces babioles qu'il demande? Vous savez que je suis pauvre. L'argent qui m'en viendra, je le mettrai en rente ou je le prêterai à usure. Que Frédéric est lâche! Va, mon enfant, je pardonne à ta simplicité le compliment que tu me fais. Tu as de l'honneur à ta manière. Et je ne vois nul inconvénient à ce que tu puisses profiter de la bassesse de Frédéric. Oui, oui, je veux bien que tu reçoives son argent. Que tu lui rapportes ce que tu sais que je t'ai dit et ce que tu sais de moi. Votre foi? Oui, fais, j'y consens. Ne vous gênez pas pour moi. Parlez-moi sans façon, je vous laisse la liberté, rien ne pense. Va ton chemin, mais surtout, n'oublie pas de lui marquer le souverain mépris que j'ai pour lui. Je ferai votre commission. Voilà la princesse. Va vite, Arlequin. Va gagner ton argent. Quand on a un peu d'esprit, on accommode tout. Un buteur aurait été chagriné son maître sans lui en demander honnêtement le privilège. À cette heure, si je lui cause du chagrin, ce sera de bonne amitié au moins. Ah, mais voilà cette princesse avec sa camarade. Il me semble avoir vu de loin ton maître avec toi. Il vous attendrait la vérité, madame. Et quand ça ne fait pas, je ne suis pas là pour vous les dire. On va chercher, dites-lui que j'ai vu parler. J'y cours, madame. Si je ne le trouve pas, qu'est-ce que je lui dirai? Il est peut-être loin, tu le trouveras sans doute. Bon, je vais de ce pas chercher le seigneur Frédéric. Ma chère Hortense, apparemment que ma rêverie est contagieuse, car vous devenez rêveuse aussi bien que moi. Que voulez-vous, madame? Je vous vois rêver, cela me donne un air pensif. Je vous copie de figure. Vous copiez si bien qu'on s'y méprendrait. Quant à moi, je ne suis pas tranquille. Le rapport que vous me faites de l'Hélio ne me satisfait pas. Un homme à qui vous avez fait apercevoir que je l'aime, un homme à qui j'ai cru voir du penchant pour moi, devrait, à votre discours, donner malgré lui quelques marques de joie. Vous ne parlez que de son profond respect. Cela est bien froid. Mais madame, ordinairement, le respect n'est ni chaud ni froid. Je ne lui ai pas dit crûment, la princesse vous aime. Il ne m'a pas répondu crûment, j'en suis charmée. Il ne lui a pas pris des transports, mais il m'a paru pénétré d'un profond respect. J'en reviens toujours à ce respect-là, je le trouve en sa place. Vous êtes femme d'esprit, lui avez-vous senti quelque surprise agréable? La surprise? Oui, il en a montré. À l'égard de savoir si elle était agréable ou non, quand un homme sent du plaisir et qu'il ne le dit point, il en aurait un jour entier sans qu'on le devinât. Enfin, pour moi, je suis fort contente de lui. Vous êtes fort contente de lui, Hortense? N'y aurait-il rien d'équivoque là-dessous? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie je suis contente de lui. Oui. Cela veut dire... En vérité, madame, cela veut dire que je suis contente de lui. Vous savez expliquer cela qu'en le répétant. Comment feriez-vous pour dire autrement? Je suis satisfaite de ce qu'il m'a répondu sur votre chapitre. L'aimez-vous mieux de cette façon-là? Cela est plus clair. C'est pourtant la même chose. Ne vous fâchez point. Je suis dans une situation d'esprit qui mérite un peu d'indulgence. Il me vient des idées fâcheuses, déraisonnables. Je crains tout, je soupçonne tout. Je crois que j'ai été jalouse de vous. Oui, de vous-même, qui êtes la meilleure de mes amies, qui méritait ma confiance et qui l'avait. Oh, vous êtes aimable, Lélio l'est aussi. Vous vous êtes vus tous deux, vous m'avez fait un rapport de lui qui n'a pas rempli mes espérances. Je me suis égarée là-dessus, j'ai vu mille chimères. Vous étiez déjà ma rivale. Qu'est-ce que c'est que l'amour, ma chère Hortense? Oui, l'estime que j'ai pour vous, la justice que je dois vous rendre. Me reconnaissez-vous? Ne sont-ce pas là les faiblesses d'un enfant que je rapporte? Oui, mais les faiblesses d'un enfant de votre âge sont dangereuses. Et je voudrais bien n'avoir rien à démêler avec elles. Écoutez, je n'ai pas si grand tort. Tantôt, pendant que nous étions à cette fête, Lélio n'a presque regardé que vous. Vous le savez bien. Moi, madame? Eh bien, vous n'en convenez pas. Cela est malentendu, par exemple. Il semblerait qu'il y a du mystère. Mais n'ai-je pas remarqué que les regards de Lélio vous embarrassaient? Et que vous n'osiez le regarder, oh, par considération pour moi, attendez. Vous ne me répondez pas. C'est que je vous vois en train de remarquer. Si je réponds, j'ai peur que vous ne remarquiez encore quelque chose dans ma réponse. Cependant, je n'y gagne rien car vous faites une remarque sur mon silence. Je ne sais plus comment me conduire, mais si je le fais, c'est du mystère. Si je parle, l'autre mystère, enfin je suis mystère des pieds jusqu'à ma tête. En vérité, je n'ose pas me remuer. J'ai peur que vous n'y trouviez une équivoque. Quel étrange amour que le vôtre, madame. Je n'en ai jamais vu cette humeur-là. Encore une fois, je me condamne. Mais vous n'êtes pas mon amie pour rien. Vous êtes obligée de me supporter. J'ai de l'amour, en un mot. Voilà mon excuse. Mais madame, c'est plus mon amour que le vôtre. De la manière dont vous le prenez, il me fatigue plus que vous. Ne pourriez-vous me dispenser de votre confidence? Je me trouve sur les bras une passion qui ne m'appartient pas. Peut-on de fardeau plus ingrat? Oh, pourtant, je vous croyais plus d'attachement pour moi. Je ne sais que penser, après tout, du dégoût que vous témoignez. Quand je répare mes soupçons à votre égard par l'aveu que je vous en fais, mon amour vous déplaît trop. Je n'y comprends rien. On dirait presque que vous en avez peur. Oh, la désagréable situation! Que je suis malheureuse de ne pouvoir ouvrir ni fermer la bouche en sûreté. Et que faudra-t-il donc que je devienne? Les remarques me suivent, je n'y saurais tenir. Vous me désespérez, je vous tourmente. Toujours je vous fâcherai en parlant, toujours je vous fâcherai en me disant mot. Je ne saurais donc corriger. Voilà une querelle fondée pour l'éternité, le moyen de vivre ensemble. J'aimerais mieux mourir. Vous me trouverez. Après ça, il faut que je m'explique. Lélio m'a regardé, vous ne savez que penser. Vous ne me comprenez pas, vous m'estimez, vous me croyez fourbe. Haine, amitié, soupçon, confiance, le calme, l'orage, vous mettez tout ensemble. Je m'y perds, la tête me tourne, je ne sais où j'en suis. Je quitte la partie, je me sauve, je m'en retourne. Dussiez vous prendre mon voyage pour une finesse. Non, ma chère Hortin, vous ne me quitterez pas. Je ne veux pas vous perdre. Je veux vous aimer, je veux que vous m'aimiez. J'abjure toutes mes faiblesses. Vous êtes mon ami, je suis la vôtre. Et cela durera toujours. Madame, cet amour-là nous brouillera ensemble, vous le verrez. Laissez-moi partir. Comptez que je fais pour le mieux. Non, ma chère, je vais faire arrêter tous vos équipages. Vous ne vous servirez que des miens. Et pour plus de sûreté, à toutes les portes de la ville, vous trouverez des gardes qui ne vous laisseront passer qu'avec moi. Nous irons quelquefois nous promener ensemble. Voilà tous les voyages que vous ferez. Au point de mutinerie, je n'en rabattrai rien. À l'égard de Lélio, vous continuerez de le voir avec moi ou sans moi, quand votre ami vous en priera. Moi, voir Lélio, madame. Et si Lélio me regarde? Il a des yeux. Et si je le regarde? J'en ai aussi. Ou bien si je ne le regarde pas, car tout est égal avec vous. Que voulez-vous que je fasse dans la compagnie d'un homme avec qui toute fonction de mes deux yeux est interdite? Les fermerai-je, les détournerai-je? Voilà tout ce qu'on en peut faire. Et rien de tout cela ne vous convient. D'ailleurs, s'il a toujours ce profond respect qui n'est pas de votre goût, vous vous en prendrez encore à moi. Vous me direz encore, cela est bien froid. Comme si je n'avais qu'à lui dire, monsieur, soyez plus tendre. Ainsi, son respect, ses yeux et les miens, voilà trois choses que vous ne me passerez jamais. Je ne sais si pour vous accommoder, il me suffirait d'être aveugle, sourde et muette. Je ne serais peut-être pas encore à l'abri de votre chicane. Ah, toute cette vivacité-là ne me fait point de peur. Oh, je vous connais, vous êtes bonne, mais impatiente. Et quelques jours, vous et moi, nous rirons de ce qui nous arrive aujourd'hui. Souffrez que je m'éloigne pendant que vous aimez. Au lieu de rire de mon séjour, nous rirons de mon absence. N'est-ce pas la même chose? Ne m'en parlez plus, vous m'affligez. Voici Lélio. Apparemment, Arlequin aura averti de ma part. Prenez de grâce un air moins triste. Je n'ai qu'un mot à lui dire. Après l'instruction que vous lui avez donnée, nous jugerons bientôt de ses sentiments par la manière dont il se comportera dans la suite. Le don de ma main lui fait un beau rang. Mais il faut avoir le cœur pris. Je me rends à vos ordres, madame. Arlequin m'a dit que vous souhaitiez me parler. Je vous attendais, Lélio. Vous savez quelle est la commission de l'ambassadeur du roi de Castille, qu'on est convenu d'en délibérer aujourd'hui. Frédéric s'y trouvera, mais c'est à vous seul à décider. Il s'agit de ma main que le roi de Castille demande. Vous pouvez l'accorder ou la refuser. Je ne vous dirai pas quelles seraient mes intentions là-dessus. Je me borne à souhaiter que vous les deviniez. J'ai quelques ordres à donner. Je vous laisse un moment avec Hortense, à peine vous connaissez-vous encore. Elle est mon amie. Et je suis bien aise que l'estime que j'ai pour vous est son aveu. Madame, il est temps que vous décidiez de mon sort. Il n'y a pas de moments à perdre. Vous venez d'entendre la princesse. Elle veut que je prononce sur le mariage qu'on lui propose. Si je refuse de le conclure, c'est entrer dans ses vues et lui dire que je l'aime. Si je le conclue, c'est lui donner des preuves d'une indifférence dont elle cherchera les raisons. La conjoncture est pressante. Que résolvez-vous en ma faveur? Il faut que je me dérobe d'ici incessamment. Mais vous, madame, y resterez-vous? Je puis vous offrir un asile où vous ne craindrez personne. Oserais-je espérer que vous consentirez aux mesures promptes et nécessaires? Non, monsieur, n'espérez rien, je vous prie. Ne parlons plus de votre cœur et laissez le mien en repos. Vous le troublez, je ne sais ce qu'il est devenu. Je n'entends parler que d'amour à droite et à gauche. Il m'environne, il m'obsède. Et le vôtre, au bout du compte, est celui qui me presse le plus. Et quoi, madame, j'en ai donc fait? Mon amour vous fatigue et vous me rebutez. Si vous cherchez à m'attendrir, je vous avertis que je vous quitte. Je n'aime point qu'on exerce mon courage. Bon, madame, il ne vous en faut pas beaucoup pour résister à ma douleur. Oh, monsieur, je ne sais point ce qu'il m'en faut. Il ne trouve point à propos de le savoir. Laissez-moi me gouverner, chacun se sent. Brisons la vie. Il n'est que trop vrai que vous pouvez m'écouter sans aucun risque. Il n'est que trop vrai. Oh, je suis plus difficile en vérité que vous. Et ce qui est trop vrai pour vous n'est pas assez pour moi. Je crois que j'irai loin avec vos sûretés, surtout avec un garant comme vous. En vérité, monsieur, vous n'y songez pas. Il n'est que trop vrai. Mais si cela était si vrai, j'en saurais quelque chose. Car vous me forcez à vous dire plus que je ne veux, je ne vous le pardonnerai pas. Si vous sentez quelque heureuse disposition pour moi, qu'ai-je fait depuis tantôt qui puisse mériter que vous la combattiez? Que vous avez fait? Pourquoi me rencontrez-vous ici? Qui venez vous chercher? Vous êtes arrivé à la cour, vous avez plu à la princesse. Elle vous aime. Vous dépendez d'elle et j'en dépends même. Elle est jalouse de moi. Voilà ce que vous avez fait, monsieur. Il n'y a point de remède à cela, puisque je n'en trouve point. La princesse est jalouse de vous? Oui, très jalouse. Peut-être actuellement, ça vous observez, l'un et l'autre. Et après cela, vous venez me parler de votre passion. Vous voulez que je vous aime? Vous le voulez, mais je tremble de ce qui en peut arriver, car enfin, on se lasse. J'ai beau vous dire que cela ne se peut pas, que mon cœur vous serait inutile, vous ne m'écoutez point. Vous vous plaisez à me pousser à bout. Lélio, qu'est-ce que c'est que votre amour? Vous ne me ménagez point? Je refuse de vous aimer, qu'est-ce que j'y gagne? Vous imaginez-vous que j'y prends plaisir? Non, Lélio, non, le plaisir n'est pas grand. Vous êtes un ingrat, vous devriez me remercier, mère, que vous ne méritez pas. Dites-moi un peu, qu'est-ce qui m'empêche de vous aimer? N'ai-je pas le cœur libre? N'êtes-vous pas aimable? Ne m'aimez-vous pas assez? Que vous manque-t-il? Vous n'êtes pas raisonnable. Je vous refuse mon cœur avec le péril qu'il y a de l'avoir. Mon amour vous perdrait. Voilà pourquoi vous ne l'aurez point. Voilà d'où me vient ce courage que vous me reprochez. Et vous vous plaignez de moi, vous me demandez encore que je vous aime? Mais expliquez-vous donc, que me demandez-vous? Qu'appelez-vous aimer? Je n'y comprends rien. C'est votre main qui manque à mon bonheur. Ma main? Oh, je ne périrai pas seule. Et le don que je vous en ferai me coûterait mon époux. Et je ne veux pas mourir en perdant un homme comme vous. Non, si je faisais jamais votre bonheur, je voudrais qu'il durât longtemps. Mon cœur ne peut suffire à toute ma tendresse. Madame, prêtez-moi un moment d'attention. Je vais vous instruire. Arrêtez, j'envisage un malheur qui me fait frémir. Je ne sache rien de si cruel que votre obstination. Il me semble que tout ce que vous me dites m'entretient de votre mort. Je vous avais prié de laisser mon cœur en repos. N'en faites rien, voilà qui est fini. Poursuivez, je ne vous crains plus. Je me suis d'abord contentée de vous dire que je ne pouvais pas vous aimer. Cela ne vous a pas épouvanté. Mais je sais des façons de parler plus positives, plus intelligibles, et qui assurément vous guériront de toute espérance. Voici donc à la lettre ce que je pense, et ce que je penserai toujours. C'est que je ne vous aime point, et je ne vous aimerai jamais. Ce discours est net, et je le crois sans réplique. Il ne reste plus de question à faire, je ne sortirai point de là, je ne vous aime point, vous ne me plaisez point. Si je savais une manière de m'expliquer plus dur, je m'en servirais. Pour vous punir de la douleur que je souffre à vous en faire. Je ne pense pas qu'à présent vous ayez encore envie de me parler de votre amour. Ainsi changeons. Je vois, madame, que votre résolution est prise. La seule espérance d'être unie pour jamais avec vous me retenait encore ici. Je m'étais flatté, je l'avoue. C'est bien quelque chose que l'intérêt que l'on prend à un homme à qui l'on peut parler comme vous le faites. Quand je vous dirai qui je suis, ça ne servirait de rien. Votre refus n'en serait que plus affligeant. Adieu donc, madame. Il n'y a plus de séjour ici pour moi. Je pars dans l'instant. Et je ne vous oublierai jamais. Oh, je ne sais où j'en suis. Je n'avais pas prévu ce coup-là. Lélio! Que voulez-vous, madame? J'en sais rien. Vous êtes au désespoir, vous m'y mettez. Je ne fais encore que cela. Madame, vous me haïrez si je ne vous quitte. Je ne vous hais plus quand vous me quittez. Daignez donc consulter votre cœur. Vous voyez bien les conseils qu'il me donne. Vous partez, je vous rappelle. Je vous rappellerai si je vous renvoie. Mon cœur ne finira rien. Eh bien, madame, ne me renvoyez plus. Nous échapperons aisément à tous les malheurs que vous craignez. Laissez-moi vous expliquer mes mesures et vous dire que ma naissance... Je ne veux plus rien entendre. Échapper à nos malheurs, mais le pourrons-nous? Ne s'agit-il pas d'abord de sortir d'ici? Adieu. Adieu, je vous dois la vie. Je ne vous devrai rien si vous ne sauvez la vôtre. Vous dites que vous m'aimez, non, je n'en crois rien si vous ne partez. Partez donc, vous soyez mon ennemi mortel. Partez, partez, ma tendresse vous l'ordonne. Vous restez ici l'homme du monde le plus haï de moi, le plus haïssable que je connaisse. Eh bien, je partirai donc, madame, puisque vous le voulez. Et vous prétendez me sauver la vie, vous n'y réussirez pas. Vous me rappelez donc à votre tour. Mais j'aime autant mourir que de ne plus vous voir. Voyons donc les mesures que vous voulez prendre. Oh, quel bonheur! Je ne puis retenir mes transports. Vous m'aimez beaucoup, je le sais bien. Passons votre reconnaissance. Nous dirons cela une autre fois. Venons aux mesures. Que n'ai-je au lieu d'une couronne qui m'attend l'empire de la terre à vous offrir? Vous êtes né prince? Oui. Mais vous n'avez qu'à me garder votre cœur. Vous ne me donnerez rien qu'il vaille. Achevons. J'attends demain, comme il tôt, un courrier du roi de Léon, mon père. Ça dérive bien. L'ambassadeur le suit sans doute. Vous m'informerez tantôt de vos résolutions. Je crains encore vos inquiétudes. Moi, je ne crains plus rien. Je me sens l'imprudence la plus tranquille du monde. Vous me l'avez donnée, je m'en trouve bien. C'est à vous de me la garantir. Faites comme vous pourrez. Tout ira bien. Je ne conclurai rien avec l'ambassadeur pour gagner du temps. Nous verrons tantôt. vous sentirez, j'en suis sûr, jusqu'où va l'audace de cette espérance. Vous savez, monsieur, ce qui m'amène ici, et votre habileté me répond du succès de ma commission. Il s'agit d'un mariage entre votre princesse et le roi de Castille-Montmel. Tout invite à le conclure, jamais union ne fut peut-être plus nécessaire. Vous n'ignorez pas les justes droits que les rois de Castille prétendent avoir sur une partie de cet état par les alliances. Bon, laissons là ces droits historiques, monsieur, je sais ce que c'est. Et quand on voudra, la princesse en produira de même valeur sur les états du roi, votre maître. Nous n'avons qu'à relire les alliances passées et vous verrez que quelqu'une de vos provinces nous appartiendra. Effectivement, vos droits ne sont pas fondés. Il n'est pas besoin d'en appuyer le mariage dont il s'agit. Laissons-les donc pour le présent, j'y consens. Mais la trop grande proximité des deux États entretient depuis 20 ans des guerres qui ne finissent que pour peu de temps et qui recommenceront bientôt entre deux nations voisines et dont les intérêts se croiseront toujours. Vos peuples sont fatigués. Mille occasions vous ont prouvé que vos ressources sont inégales aux nôtres. La paix que nous venons de faire avec vous, vous ne la devez qu'à des circonstances qui ne se rencontreront pas toujours. Si la Castille n'avait été occupée ailleurs, les choses auraient bien changé de face. Pas du tout. Il en aurait été de cette guerre comme de toutes les autres. Depuis tant de siècles que cet État se défend contre le vôtre, où sont vos progrès? Je n'en vois pas qui puisse justifier cette grande inégalité de force dont vous voulez parler. Vous ne vous êtes soutenu que par des secours étrangers. Mais ces mêmes secours, dans bien des occasions, vous ont aussi rendu de grands services. Ainsi subsistent les États. La politique de l'un abaisse l'ambition de l'autre. Retranchons-nous sur des choses plus effectives, sur la tranquillité durable que ce mariage assurerait aux deux peuples qui ne seraient plus qu'un et qui n'auraient plus qu'un même maître. Fort bien, mais nos peuples n'ont-ils pas leur loi particulière? Êtes-vous sûr, monsieur, qu'ils voudront bien passer sous une domination étrangère et se soumettre aux coutumes d'une nation qui leur est antipathique? Désobéiront-ils à leur souverain? Ils lui désobéiront par amour pour elle. En ce cas-là, il ne sera pas difficile de les réduire. Y pensez-vous, monsieur? S'il faut les opprimer pour les rendre tranquilles, comme vous l'entendez, ce n'est pas de leur souveraine que doit leur venir un pareil repos. Il n'appartient qu'à la fureur d'un ennemi de leur faire un présent si funeste. Voyez les preuves de ce que je vous ai dit. Votre avis est donc de rejeter le mariage que je propose? Je ne le rejette point. Il mérite attention. Il faut examiner mûrement les choses, après quoi je conseillerai à la princesse ce que jugerai de meilleur pour sa gloire et pour le bien de ses peuples. Le seigneur Frédéric dira ses raisons, moi les miennes. On décidera sur les vôtres. Me permettez-vous de vous parler à cœur ouvert? Vous êtes le maître. Vous êtes ici dans une belle situation et vous craignez d'en sortir si la princesse se marie. Mais le roi, mon maître, est assez grand seigneur pour vous dédommager. Et j'en réponds pour lui. Je vous en prie, monsieur, ne citez point ici le roi, votre maître. Soupçonnez-moi tant que vous voudrez de manquer de droiture, mais ne l'associez pas à vos soupçons. Quand nous ont parlé les princes, que ce soit d'une manière noble et digne d'eux, c'est un respect que nous leur devons et vous me faites rougir pour le roi de Castille. Arrêtons là. Une discussion là-dessus nous mènerait trop loin. Il ne me reste qu'un mot à vous dire, et ce n'est plus le roi de Castille, c'est moi qui vous parle à présent. On m'a averti des difficultés que vous faites et que je vous trouverais contraire au mariage dont il s'agit, tout convenable, tout nécessaire qu'il fût, si jamais la princesse veut épouser un prince. On a prévu les difficultés que vous faites et l'on prétend que vous avez vos raisons pour les faire. Raisons si hardies que je n'ai pu les croire. Et qui sont fondées, dit-on, sur la confiance dont la princesse vous honore. Monsieur, vous allez encore me parler à cœur ouvert, et si vous m'en croyez, vous n'en ferez rien. La franchise ne vous réussit pas. Le roi, votre maître, tout à l'heure, en a souffert beaucoup, et je tremble pour la princesse. Ne craignez rien. Loin de manquer à ce que je lui dois, je ne veux que l'apprendre à ceux qui l'oublient. Voyons, j'en sais tant là-dessus que je suis en état de corriger vos leçons, mais que dit-on de moi? Tes choses, hors de toute raison. Ne me les expliquez point. Je crois savoir ce que c'est. On me les a dites aussi, et j'en ai ri comme d'une chimère. N'importe. Je serais bien aise de voir jusqu'où va l'inimitié de ceux dont je blesse ici la vue, que vous connaissez comme moi, monsieur, et à qui j'aurais pu faire beaucoup de mal si j'avais voulu, et qui ne valent pas la peine qu'un honnête homme se venge. Revenons. Non. Le seigneur Frédéric a raison, n'expliquons rien. Ce sont des illusions. Un homme d'esprit comme vous, dont la fortune est déjà si prodigieuse et qui la mérite, ne saurait avoir des sentiments aussi périlleux que ceux qu'on vous attribue. La princesse n'est sans doute que l'objet de vos respects, mais le bruit qui court sur votre compte vous expose, et pour le détruire, je vous conseillerais de porter la princesse à un mariage avantageux à l'État. Je vous suis très obligé, monsieur, de vos conseils, mais j'ai regret à la peine que vous prenez d'en faire. Jusqu'ici, les ambassadeurs n'ont jamais été les précepteurs des ministres chez qui ils vont, et je n'ose renverser l'ordre. Quand je verrai votre nouvelle méthode bien établie, je vous promets de la suivre. Je n'ai pas tout dit. Le roi de Castille a pris de l'inclination pour la princesse sur un portrait qu'il en a vu. C'est en amant que ce jeune prince souhaite un mariage, que la raison, l'égalité d'âge et la politique doivent presser de part et d'autre. S'il ne s'achève pas, si vous en détournez la princesse pour des motifs qu'elle ne sait pas, faites du moins qu'à son tour, ce prince ignore les secrètes raisons qui s'opposent en vous à ce qu'il souhaite. La vengeance des princes peut porter loin. Souvenez-vous-en. Je vous répète, monsieur, que je ne rejette pas cette proposition. Nous l'examinerons plus à loisir. Mais si les raisons secrètes dont vous voulez parler étaient réelles, je ne laisserai pas que d'embarrasser les ressentiments de votre prince. Il lui serait plus difficile de se venger de moi que vous ne le croyez. De vous? Oui, de moi. Doucement, vous ne savez pas à qui vous parlez. Je sais qui je suis et c'est assez. Laissons-là ce que vous êtes et soyez persuadé que vous me devez respect. Soit. Et moi, je n'ai que mon cœur pour tout avantage. Je continuerai à vous respecter puisque vous me dites qu'il le faut. Sans pourtant en examiner moins si le mariage dont il s'agit est vraiment convenable. La manière dont vous venez de lui parler me fait présumer bien des choses. Peut-être sous le titre d'ambassadeur, nous cachez-vous. Non, monsieur, il n'y a rien à présumer. C'est un ton que j'ai cru devoir prendre avec un aventurier que le sort a élevé. Eh bien, que dites-vous de cet homme-là? Je dis que je l'estime. Cependant, si nous ne le renversons, vous ne pouvez réussir. Ne joindrez-vous pas vos efforts aux nôtres? J'y consens, mais à condition que nous ne tenterons rien qui soit indigne de nous. Je veux le combattre généreusement, comme il le mérite. Toutes actions sont généreuses quand elles tendent au bien général. Ne vous en fiez pas, vous haïssez les lions, et la haine entend mal à faire des maximes bonheurs. Je tâcherai de voir la princesse aujourd'hui, je vous quitte. J'ai quelques dépêches à faire. Nous nous reverrons tantôt. Monsieur l'ambassadeur me paraît bien scrupuleux. Mais voici Arlequin qui accourt à moi. Pas la mardi, monsieur le conseiller, il y a longtemps que je galope après vous. Vous êtes plus difficile à trouver qu'une botte de foin dans une aiguille. Je ne suis pourtant pas écarté, as-tu quelque chose à me dire? Attendez. Je crois que j'ai laissé ma respiration par les chemins. Reprends la main. Madame, ça ne se prend pas avec la main. Je vous ai été chercher au palais, dans les salles, dans les cuisines, je trottais par-ci, je trottais par-là, je trottais partout. Et galons vite, et bout égard. N'avez-vous pas vu le seigneur Frédéric? Non, mon ami. Vous diablez-il donc, et puis je cours encore, et patati et patata, je jure. Je rencontre un porteur d'eau, je renverse son eau. N'avez-vous pas vu le seigneur Frédéric? Attends, je vais te donner le seigneur Frédéric par les oreilles. Moi, je m'en prie, par l'assemblée, morbleu. Ne serait-il pas au cabaret? J'y entre, je trouve du vin, je chopine, je m'apaise, et puis je reviens. Et puis vous voilà. Ah, chef, sais-tu quelque chose? Si tu me donnes bien de l'impatience. 100 000 écus ne seraient pas dignes de payer ma peine. Pourtant, je rabattrai d'autres. Je n'ai pas d'argent sur moi. Mais je t'en promets au sortir ici. Vous faites que vous laissez votre bourse à la maison. Oh. Si j'avais du ça, je ne vous aurais pas trouvé. Car pendant que j'y suis, il faut que je vous tienne. Si tu n'y perdras rien, parle, que sais-tu? De bonnes choses. C'est du nanan. Voyons. Cet argent promis m'envoie des scrupules. Si vous pouviez me donner des gages. Ce petit diamant qui est à votre petit doigt, par exemple. Quand cela promet de l'argent, cela tient parole. Prends, le voilà pour garant de la mienne. Mais ne me fais plus languir. Vous êtes honnête homme, et votre bague aussi. Or donc, tantôt, monsieur Lélio, qui vous méprise, que c'est une bénédiction. Il parlait à lui tout seul. Bon. Oui, bon. Mais voilà cette princesse qui vient. Dirais-je tout devant elle? Tu m'en fais venir l'idée, oui. Mais ne dis rien de tes engagements avec moi. Je vais parler le premier, conforme-toi à ce que tu m'entendras dire. Eh bien, Frédéric, qu'a-t-on conclu avec l'ambassadeur? Madame, monsieur Lélio penche à croire que sa proposition est recevable. Lui? Son sentiment est que j'épouse le roi de Castille? Et il n'a demandé que le temps d'examiner un peu la chose. n'aurais pas cru qu'il dût penser comme vous dites. Il en pense ma foi bien d'autres. Ah, te voilà. Que faites-vous de son valet ici? Quand vous êtes arrivée, madame, il venait, disait-il, me déclarer quelque chose qui vous concerne et que le zèle qu'il a pour vous l'oblige à vous révéler. Monsieur Léliot y est mêlé, mais je n'ai pas encore eu le temps de savoir ce que c'est. Ben, sachons-le. De quoi s'agit-il? C'est que, voyez-vous, madame, il n'y a mardi point de chanson à cela. Je suis bon serviteur de votre principauté. De quoi, madame, pouvez-vous prêter l'oreille au discours de pareils gens? On s'amuse de tout. Continue. Je n'entends ni à dire ni à huot quand on ne vous rend pas la révérence qui vous appartient. À merveille, mais viens au fait sans compliment. Oh, dame, quand on vous parle à vous autres, c'est pas le tout de doter son chapeau. Il faut bien mettre en avant quelques petites farigoles au bout. À cette heure, voilà mon histoire. Vous saurez donc, avec votre permission, que tantôt j'écoutais monsieur Léliot qui faisait la conversation des fous. Car il parlait tout seul. Il était devant moi et moi derrière. Or, ne vous déplaise, il ne savait pas que j'étais là. Il se virait, je me virais. C'était une farce. Tout d'un coup, il ne s'est plus viré. Et puis, il s'est mis à dire comme cela, ouf, je suis diablement embarrassé. Moi, j'ai deviné qu'il avait de l'embarras. Quand il a eu dit cela, il n'a rien dit davantage. Il s'est promené. Ensuite, il lui a pris un grand frisson. En vérité, madame, vous m'étonnez. Un frisson, que veux-tu dire? Oui, il a dit, je tremble. Et ce n'était pas pour des prunes, le gaillard. Car, a-t-il repris, j'ai lorgné ma gentille maîtresse pendant cette belle fête. Et si cette princesse, qui est plus fine qu'un merle, a vu trotter ma prunelle, mon affaire va mal, j'en dis du miroir. Là-dessus, autre promenade. Ensuite, autre conversation. Par la ventre bleue, a-t-il dit, j'ai du guignon. Je suis amoureux de cette gracieuse personne. Et si la princesse vient à le savoir, et y allons donc, nous verrons bon train. Je serai un joli mignon. Elle sera capable de me friponner, mamie. Jour de Dieu, ai-je dit, en moi-même. Friponner, c'est le fait des larrons, et non pas d'une princesse qui est fidèle comme l'or. Vertuchou, qu'est-ce que c'est que ce fripotage-là? Mon patron songe à ma vie. Et il faut avertir cette pauvre princesse, à qui on en ferait prendre 15 pour 14. Je suis donc venu comme un honnête garçon, et voilà que je vous découvre le poteau rose, mais je vous dis la signification du discours, et le tout gratuit. Si cela vous plaît. Quelle aventure! Madame, vous m'avez dit quelquefois que je présumais mal de Léliot. Vous voyez l'abus qu'il fait de votre estime. Taisez-vous, je n'ai que faire de vos réflexions. Pour toi, je vais t'apprendre à trahir ton maître, à te mêler de choses que tu ne devrais pas entendre, et à me compromettre dans l'impertinente répétition que tu en fais. Une étroite prison me répondra de ton silence. Oh, ma bonne dame! Ayez pitié de moi! Arrachez-moi la langue et laissez-moi la bénédiction! Miséricorde, ma reine, je ne suis qu'un butant! Et c'est ce misérable conseiller de malheur qui m'a bouillé avec votre charitable personne. Comment cela? Madame, c'est un valet qui vous parle et qui cherche à sauver. Je ne sais ce qu'il veut laissez, dire. Laissez-le parler. Oh, allez, je vous ai bien dit que vous ne valiez rien. Et vous ne m'avez pas voulu croire. Je ne suis qu'un chétif valet. Et si pourtant je voulais être homme de bien? Et lui qui est riche et grand seigneur, il n'a jamais eu le cœur d'être honnête homme. Il va vous en imposer, madame. Laissez-vous, vous dis-je. Je veux qu'il parle. Tenez, madame. Voilà comme tout cela est venu. Je l'ai trouvé comme il allait tout droit devant lui. Veux-tu me faire un plaisir, m'a-t-il dit? Hélas, de tout mon cœur. Car je suis bon et serviable de mon naturel. Tiens, voilà une pistole. Grand merci. En voilà encore une autre. Donnez, mon brave homme. Prends encore cette poignée de pistole. Et oui, dame, mon bon monsieur. Veux-tu m'apporter ce que tu entendras dire à ton maître? Et pourquoi cela? Pour rien, par curiosité. Oh non, non, mon compère, non. Mais je te prête tant de bonnes drogues, je te prête ci, je te prête cela. Je sais une fille qui est jolie, qui est dans ses mobs, je te la garde. Oh, montrez-la pour voir. Je l'ai laissé au logis, mais suis-moi, tu l'auras. Oh non, non, brocanteur, non! Quoi, tu ne veux pas d'une jolie fille? À la vérité, madame, cette fille-là me trottait dans l'âme. Il me semblait que je la voyais. Qu'elle était blanche, potelée. Ah, quelle satisfaction! Je trouvais cela bien friand. Je bataillais comme un César! Vous m'auriez mangé de plaisir en voyant mon courage. À la fin, je suis chue. Il me doit encore une pension de santé que parents. Et j'ai déjà reçu la fillette, que je ne peux pas vous montrer parce qu'elle n'est pas là. Et sans compter une prophétie qui a parlé à ce qu'il dit de mon argent, de ma friponnerie et de ma fortune. Comment s'appelle-t-elle, cette fille? Lisette. Oh, madame, si vous voyez sa face, vous seriez ravie. Avec cette créature-là, il faut que l'honneur d'un homme plie bagage, il n'y a pas moyen. Un misérable comme celui-là peut-il imaginer tant d'impostures? Tenez, madame! Voilà encore sa bague qu'il m'a mise en garde pour de l'argent qu'il me doit donner tantôt. Regardez mon innocence. Vous qui êtes une princesse, si vous vous donnez tant d'argent, de pension, de bague et un joli garçon, est-ce que vous y pourriez tenir? Je n'ai rien inventé. J'ai dit ce que monsieur Léliot a dit. Je verrai ce que je dois faire de vous, Frédéric. Mais vous êtes le plus indigne et le plus lâche de tous les hommes. Hélas! Délivrez-moi de la prison! Voulez-vous que je vous suive, madame? Non, madame, restez. bien aise d'être seul, mais ne vous écartez pas. Me voilà bien accommodée. Je suis un bel oiseau. J'aurai bon air en cage. Et puis après cela, fiez-vous aux prophéties. Prenez des pensions et aimez les filles. Pour voir le cœur. Adieu la joie. Je ne voudrais plus souliers. On va m'enfermer dans un étui. À cause de ce sarrasin là. Je suis malheureux, madame. Vous n'avez jamais paru me vouloir du mal. Dans la situation, on m'a mis un zèle imprudent pour les intérêts de la princesse. Puis-je espérer de vous une grâce? Oui, dame, Dieu. Vous ne demandez qu'on vous ôte la vie pour vous délivrer du malheur d'être détesté de tous les hommes. Voilà, je prends tout le service qu'on peut vous rendre. Vous pouvez compter sur moi. Vous êtes fait, madame. Ah! Ah, mon maître bien-aimé! Venez que je vous baisse les pieds, je ne suis pas digne de vous baiser les mains. Vous savez bien le privilège que vous m'avez donné tantôt. Eh bien, ce privilège est ma perdition. Pour deux ou trois petites lettres de parole que j'ai lâchées vous à la princesse, elle veut que je garde la chambre. Et d'aller faire mes fiançailles. Je veux dire ces paroles, madame. Je vois bien qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire dans le palais. Les gardes m'ont reçu avec une froideur qui m'étonne. Qu'est-il arrivé? Votre valet, payé par Frédéric, a rapporté à la princesse ce qu'il vous a entendu dire dans un moment où vous vous croyez seul. Et qu'a-t-il rapporté? Vous aimiez certaines dames. Que vous aviez peur que la princesse ne vous l'eût vu regarder pendant la fête et ne vous l'ôtât, si elle savait que vous l'aimiez. Et cette dame, l'a-t-on nommée? Non. Mais apparemment, on la connaît bien. Et voilà l'obligation que vous avez à Frédéric, dont les présents ont corrompu votre valet. Oui, c'est bien dit. Il m'a corrompu. J'avais le cœur plus net qu'une perle. J'étais tout à fait gentil. Depuis que j'ai fréquenté, je vous moins déçu que je ne valais pas. Oui, monsieur, je vous l'avouerai encore une fois. J'ai cru bien servir l'État et la princesse sans tâchant d'arrêter votre fortune. Suivez ma conduite. Elle me justifie. Je vous ai prié de travailler à me faire premier ministre. Il est vrai. Mais quel pouvait être mon dessein? Suis-je dans un âge à souhaiter un emploi si fatigant? Non, monsieur. 30 années d'exercice m'ont rassasié d'emploi et d'honneur. Il ne me faut que du repos. Mais je voulais m'assurer de vos idées et voir si vous aspiriez vous-même au rang que je feignais de souhaiter. J'allais dans ce cas parler à la princesse et la détourner autant que j'aurais pu de remettre tant de pouvoir entre des mains dangereuses et tout à fait inconnues. Pour achever de vous pénétrer, je vous ai offert ma fille. Vous l'avez refusée, je l'avais prévue. J'ai tremblé du projet dont je vous ai soupçonné sur ce refus et du succès que pouvait avoir ce projet même. Car enfin, vous êtes jeune et aimable. Vous avez la faveur de la princesse, tranchant le mot. Vous pouvez lui plaire et jeter dans son cœur de quoi lui faire oublier ses véritables intérêts et les nôtres, qui étaient qu'elle épousa le roi de Castille. Voilà, monsieur, ce que j'appréhendais et la raison de tous les efforts que j'ai faits contre vous. Vous m'avez cru jaloux de vous quand je n'étais inquiet que pour le bien public. Je ne vous le reproche pas. Les vues jalouses et ambitieuses ne sont que trop ordinaires à mes pareils, et ne me connaissant pas, il vous était permis de me confondre avec eux, de méconnaître un zèle assez rare, qui d'ailleurs se montrait par des actions équivoques. Quoi qu'il en soit, tout louable qu'il est, ce zèle, je me vois prêt d'en être la victime. J'ai combattu vos desseins, peut-être êtes-vous digne qu'ils réussissent. Et la manière dont vous en userez avec moi dans l'état où je suis, l'usage que vous ferez de votre crédit auprès de la princesse, enfin la destinée que j'éprouverai, décidera de l'opinion que je dois avoir de vous. Si je péris, après d'aussi louables intentions que les miennes, je ne me serai pas trompé sur votre compte. Je périrai du moins avec la consolation d'avoir été l'ennemi d'un homme qui, en effet, n'était pas vertueux. Si je ne péris pas, au contraire, mon estime, ma reconnaissance et mes satisfactions vous attendent. Il n'y a donc que moi qui resterai un fripon pour bien savoir faire une harangue. Frédéric, je vous sauverai, si je le puis. Vous m'avez fait du tort, mais l'honnête homme n'est pas méchant. Et je ne saurais refuser ma pitié à l'opprobre dont vous couvre votre caractère. Votre pitié. Adieu, Lélio. Peut-être à votre tour aurez-vous besoin de la mienne. Va m'attendre. aviez raison, madame. Mon amour vous met dans le péril et j'ose à peine vous regarder. Quoi ? On va peut-être me séparer d'avec vous. Vous ne voulez pas me regarder, ni voir combien je vous aime. Montrez-moi du moins combien vous m'aimez, je veux vous voir. Je vous adore. J'en dirai autant de vous si vous le voulez. Cela ne tient à rien. Je ne vous verrai plus, je ne me gêne point, je dis tout. Quel bonheur m'est-il est traversé. Cependant, madame, ne vous alarmez point. Je vais déclarer à la princesse qui je suis. Je vais dire que vous êtes. Je vous le défends. C'est une âme violente. Elle se flattait que vous l'aimiez. Elle vous aurait épousé tout inconnu que vous lui êtes. Elle verrait à présent que vous lui convenez. Vous êtes dans son palais, son secours. Vous m'avez donné votre cœur. Tout cela serait affreux pour elle. Vous péririez. J'en suis sûre. Elle est déjà jalouse. Elle deviendrait furieuse. Elle en perdrait l'esprit. Elle aurait raison de le perdre. Je le perdrais comme elle et toute la terre le perdrait. Je sens cela. Mon amour me le dit. Fiez-vous à lui. Il vous connaît bien. Pour se voir enlever un homme comme vous, mais vous ne savez pas ce que c'est. J'en frémis, n'en parlons plus. Laissez-vous gouverner, réglons-nous sur les événements, je le veux. Peut-être allez-vous être arrêté. Ne restons point ici. Je suis mourante de frayeur pour vous, mon cher prince, que vous m'avez donné d'amour. N'importe, je vous le pardonne. Sauvez-vous. Je vous en promets encore davantage. Adieu. Adieu, ne restons point à présent ensemble. Peut-être nous reverrons-nous plus libres. Je vous obéis, mais si l'on s'en prend à vous, vous devez me laisser faire. Des gardes apparaissent, traversent la scène et le rideau tombe sur le second pas. Transmis de la Comédie française à Paris, salle Richelieu, voici maintenant le troisième et dernier acte du Prince travesti, l'illustre aventurier, comédie en trois actes en prose de Marivaux, donné pour les débuts de Marie Savouret. La princesse m'envoie chercher. Que je crains la conversation que nous aurons ensemble. Que me veut-elle ? Aurait-elle découvert quelque chose ? Il a fallu me servir d'Arlequin qui m'a paru fidèle. On a permis qu'à lui de voir Lélio. M'aurait-il trahi ? L'aurait-on surpris ? Voici quelqu'un, retirons-nous. C'est peut-être la princesse. Je ne veux pas qu'elle me voie dans ce moment-ci. Oh, il semble que vous vous défiez de moi, Arlequin. Vous n'apprenez rien de ce qui vous regarde. La princesse vous a tantôt envoyé chercher. Est-elle encore fâchée contre vous ? Qu'a-t-elle dit ? D'abord, elle ne m'a rien dit. Elle m'a regardé d'un air suffisant. Moi, la peur m'a pris. Je me tenais comme cela tout dans un temps. Ensuite, elle m'a dit : approche. J'ai donc avancé un pied. Puis un second pied. Puis un troisième pied. Et de pied en pied, je me suis trouvé près d'elle, mon chapeau sur mes deux mains. Et après ? Après, nous sommes entrés en conversation. Elle m'a dit : veux-tu que je te pardonne ce que tu as fait ? Tout comme il vous plaira, et je dis : je n'ai rien à vous commander, ma bonne dame. Elle m'a dit : va t'en dire à Hortense que ton maître, à qui on t'a permis de parler, t'a donné en secret ce billet pour elle. Tu me rapporteras sa réponse. Madame, dormez en paix et tenez-vous gaillard. Vous voyez le premier homme du monde pour donner une bourde. Vous ne la donneriez pas mieux que moi. Car je mens à faire plaisir, pas de garçon d'honneur. Vous avez pris le billet ? Ah, oui, bien promptement. Et vous l'avez porté Hortense ? Oui, mais un accès de prudence m'a pris et j'ai fait une réflexion. J'ai dit, par la mardi, c'est que cette princesse, avec Hortense, veut encore éprouver si je serais un coquin. Eh bien, à quoi vous a conduit cette réflexion-là ? Avez-vous dit à Hortense que ce billet venait de la princesse et non pas de Monsieur Lélio ? Vous l'avez deviné, mamie. Et vous croyez qu'Hortense est de concert avec la princesse et qu'elle lui rendra compte de votre sincérité ? Et quoi donc ? Elle ne l'a pas dit, mais... plus fin que moi n'est pas bête. Qu'a-t-elle répondu à votre message ? Oh, d'abord, elle a voulu m'enjôler en me disant que j'étais un honnête garçon. Ensuite, elle a fait semblant de griffonner un papier pour Monsieur Lélio. Qu'elle vous a recommandé de lui rendre ? Oui, il n'aura pas besoin de lunettes pour le lire. C'est encore une attrape qu'on me fait. Et qu'en ferez-vous donc ? Il n'en fait rien. Mon cœur est dans l'embarras là-dessus. Il faut absolument le remettre à la princesse. Arlequin n'y manquait pas. Son intention n'était pas que vous avouassiez que ce billet venait d'elle. Par bonheur, votre aveu n'a servi qu'à persuader Hortense qu'elle pouvait se fier à vous. Peut-être même ne vous aurait-elle pas donné un billet pour les lions sans cela. Votre imprudence a réussi, mais encore une fois, remettez la réponse à la princesse, elle ne vous pardonnera qu'à ce prix. Votre foi ? J'entends du bruit, c'est peut-être elle qui vient pour vous le demander. Adieu ! Vous me direz ce qui en sera arrivé. Tantôt pour une fourberie, on voulait m'emprisonner. À 7 heures pour une fourberie, on me pardonne. Oh. Peut-être gagne ma carte l'honneur de ce pays. As-tu vu Hortense ? Oui, madame, je lui ai menti, suivant votre ordonnance. A-t-elle fait réponse ? Notre tromperie va à merveille. J'ai un billet doux pour monsieur les lions. Oh, juste ciel. Donne vite et retire-toi. Oh, oh, le maudit tailleur qui m'a fait les poches percées. Vous verrez que la poche aura passé par ce trou-là. Ah, attendez, j'ai oublié une poche. La voilà! Non. Peut-être que je l'aurais oublié à l'office où j'ai été pour me rafraîchir. Va chercher la porte sur le champ. Indigne ami, tu lui fais réponse. Et me voici convaincue de ta trahison. Tu ne l'aurais jamais avoué sans ce malheureux stratagème qui ne m'instruit que trop. Allons, poursuivons mon projet. Privons l'ingrat de ses honneurs, qu'il ait la douleur de voir son ennemi en sa place. Remettons ma main au roi de Castille et punissons après les deux perfides de la honte dont il me couvre. La voici. Contraignons-nous en attendant le billet qui doit la convaincre. Je me rends à vos ordres, madame. On m'a dit que vous vouliez me parler. Vous me jugez bien que dans l'état où je suis, j'ai besoin de consolation, Hortense. Et ce n'est qu'à vous seul que je peux ouvrir mon cœur. Hélas, madame, je n'ose vous assurer que vos chagrins sont les miens. Oh, je le sais bien, perfide. Je vous ai confié mon secret comme à la seule amie que j'ai au monde. Les lions ne m'aiment pas, vous le savez. On aurait de la peine à s'imaginer. Et à votre place, je voudrais encore m'éclaircir. Il entre peut-être dans son cœur plus de timidité que d'indifférence. De la timidité, madame. Votre amitié pour moi vous fournit des motifs de consolation bien faibles. Vous êtes bien distraite. On ne peut être plus attentive que je le suis, madame. Vous oubliez pourtant les obligations que je vous ai. Lui n'osait me dire qu'il m'aime. Et ne l'avez-vous pas informé de ma part des sentiments que j'avais pour lui? J'y pensais tout à l'heure, madame, mais je crains de l'en avoir mal informé. Je parlais pour une princesse. La matière était délicate. Je vous aurais peut-être un peu trop ménagé. Je me serais expliqué d'une manière obscure. Les lions ne m'aura pas entendu. Ce sera ma faute. Je crains à mon tour que votre ménagement pour moi n'ait été plus loin que vous le dites. Peut-être ne l'avez-vous pas entretenu de mes sentiments. Peut-être l'avez-vous trouvé prévenu pour une autre. Et vous qui prenez à mon cœur un intérêt tendre, généreux, vous m'avez fait le mystère de tout ce qui s'est passé. C'est une discrétion prudente dont je vous crois très capable. Le dites-vous l'aimer, madame. Soyez-en persuadée. Vous lui avez dit que je l'aimais et il ne vous a pas entendu, dites-vous. Et pourtant pas s'expliquer d'une manière énigmatique. Je suis outrée, trahie, méprisée. Et par qui, Hortense ? Madame, je puis vous être importune en ce moment-ci. Je me retirerai si vous le voulez. C'est moi qui vous suis à charge. Votre conversation vous fatigue, je le sens bien. Et cependant, restez. Vous me devez un peu de complaisance. Hélas, madame, si vous lisiez dans mon cœur, vous verriez combien vous m'inquiétez. Oh, je n'en doute pas. Calmez cependant vos inquiétudes sur mon compte. Ma situation est triste, à la vérité. J'ai été le jouet de l'ingratitude ou de la perfidie. Mais j'ai pris mon parti. Il ne me reste plus qu'à découvrir ma rivale. Et cela va être fait. Vous auriez pu me la faire connaître, sans doute. Mais vous la jugez trop coupable. Et vous avez raison. Oh, Liliane ! Mais on avait vous dit, ma chère princesse ! Ne serait-ce pas moi que vous soupçonneriez encore ? Parlez-moi franchement, c'est moi. Vos soupçons continuent. Les lions, disiez-vous tantôt, m'a regardé pendant la fête. Harlequin, on dit autant, vous me condamnez là. Si vous n'envisagez que moi. Voilà comment l'amour joue. Mais mettez-vous l'esprit en repos. Tout près que je me retire comme je le voulais, je suis prête à partir tout à l'heure. Indiquez-moi l'endroit où vous voulez que j'aille. Ôtez-moi la liberté, si je le sais faire. Rendez-la ensuite à l'union. Faites-lui un accueil obligeant. Rejetez sa détention sous quelques faux avis. Montrez-lui dès aujourd'hui plus d'estime, plus d'amitié que jamais. Et sur cette amitié qui prend, qu'il avertisse de vous étudier. Dans 3 jours, dans 24 heures, peut-être saurez-vous à quoi vous en tenir avec lui. Vous voyez comme je m'y prends avec vous. Voilà de mon côté tout ce que je puis faire. Je vous offre tout ce qui dépend de moi pour vous calmer. Bien mortifié de n'en pouvoir faire davantage. Non, madame. La vérité même ne peut s'expliquer d'une manière plus naïve. Que serait-ce donc que votre cœur si vous étiez coupable après cela? Calmez-vous. J'attends des preuves incontestables de votre innocence. À l'égard de Lélio, je donne sa place à Frédéric, qui n'a péché, j'en suis sûre, que par excès de zèle. Je l'ai envoyé chercher, et je veux le charger de mettre Lélio dans un lieu où il ne pourra me nuire. Il m'échapperait s'il était libre. Elle me rendrait la fable de toute la terre. Oh, voilà d'étranges résolutions, madame. Elles sont judicieuses. Madame! C'est là le billet que madame Hortense m'a donné. La voilà pour le dire elle-même. Oh, va-t'en! Souvenez-vous que vous êtes généreuse! Arlequin est le seul par qui je puisse vous avertir de ce que j'ai à vous dire. Tout dangereux qu'il est peut-être de s'y fier, il vient de me donner une preuve de fidélité sur laquelle je crois pouvoir hasarder ce billet pour vous dans le péril où vous êtes. Demandez à parler à la princesse. Plaignez-vous avec douleur de votre situation. Calmez son cœur et n'oubliez rien de ce qui pourra lui faire espérer qu'elle touchera le vôtre. Devenez libre si vous voulez que je vive. Fuyez après et laissez à mon amour le soin d'assurer mon bonheur et le vôtre. Je ne sais où j'en suis. C'est lui qui m'a sauvé la vie. Et c'est vous qui m'a arraché la mienne. Adieu, je vais résoudre ce que je dois faire. Arrêtez, madame. Je suis moins coupable que vous ne pensez. Elle fuit. Elle ne m'écoute point. Cher prince, qu'allez-vous devenir? C'est moi, c'est mon amour qui vous paie. Mon amour. Oh, juste ciel, mon sort sera-t-il de vous faire périr? Cherchons-lui partout du secours. Voici Frédéric, essayons de gagner lui-même. Seigneur, je vous demande un moment d'entretien. J'ai ordre d'aller trouver la princesse, madame. Je le sais, je n'ai qu'un mot à vous dire. Je vous apprends que vous allez remplir la place de Lélio. Je l'ignorais, mais puisque la princesse le veut, il faudra bien obéir. Vous haïssez, Lélio. Il ne mérite plus votre haine. Il est à plaindre aujourd'hui. J'en suis fâché, mais son malheur ne me surprend point. Il devait même lui arriver plus tôt. Sa conduite était si hard. Moins que vous ne croyez, Seigneur. C'est un homme estimable, plein d'honneur. À l'égard de l'honneur, je n'y touche pas. J'attends toujours à la dernière extrémité pour décider contre les gens là-dessus. Vous ne le connaissez pas. Soyez persuadé qu'il n'avait nulle intention de vous nuire. J'aurais besoin pour cet article-là d'un peu plus de crédulité que je n'en ai, madame. En laissant donc cela, Seigneur. Mais me croyez-vous sincère? Oui, madame. Très sincère. C'est un titre que je ne saurais vous disputer sans injustice. Tantôt, quand je vous ai demandé votre protection, vous m'avez donné des preuves de franchise qui ne souffrent pas un mot de réplique. Je vous regardais alors comme l'auteur d'une intrigue qui m'était fâcheuse. Mais achevons. La princesse a des desseins contre les lions, de l'exécution desquels elle doit vous charger. Détournez-la de ses desseins. Obtenez d'elle que les lions sortent dès à présent de ses états. Vous n'obligerez point un ingrat. Ce service que vous lui rendrez, que vous me rendrez à moi-même, le fruit n'en sera pas borné pour vous au seul plaisir d'avoir fait une bonne action. Je vous en garantis des récompenses au-dessus de tout ce que vous pourriez imaginer. Et telle enfin que je n'ose vous le dire. Des récompenses, madame. Et quand j'aurai l'âme intéressée, que pourrais-je attendre de Lélio? Mais grâce au ciel, je n'en vis ni ses biens ni ses emplois. J'en accepterai l'embarras, s'il le faut, par dévouement aux intérêts de la princesse. À l'égard de ses biens, l'acquisition en a été trop aisée à faire, je n'en voudrais pas. Quand il ne tiendrait qu'à moi de m'en saisir, je rougirais de les mêler avec les miens. C'est à l'État qu'ils appartiennent, c'est à l'État de les reprendre. Oh, Seigneur, que l'État s'en saisisse de ces biens dont vous parlez, si on les lui trouve. Si on les lui trouve, c'est fort bien dit, madame, car les aventuriers prennent leurs mesures. Il est vrai que lorsqu'on les tient, on peut les engager à révéler leurs secrets. Si vous saviez de qui vous parlez, vous changeriez bien de langage. Je n'ose en dire plus, je jetterai peut-être Lélio dans un nouveau péril. Quoi qu'il en soit, les avantages que vous trouveriez à servir n'ont point de rapport à sa fortune présente. Ceux dont je vous entretiens sont d'une autre sorte et bien supérieurs. Je vous le répète, Vous ne ferez jamais rien qui puisse vous en apporter de si grand. Je vous en donne ma parole. Croyez-moi, vous m'en remercierez. Madame, modérez l'intérêt que vous prenez à lui. Supprimez des promesses dont vous ne remarquez pas l'excès et qui se discréditent d'elles-mêmes. La princesse a fait arrêter l'Hélio et elle ne pouvait se déterminer à rien de plus sage. Si avant que d'en arriver là, elle m'avait demandé mon avis, ce qu'elle a fait, j'aurais cru, je vous jure, être obligé en conscience de le lui conseiller. Cela posé, vous voyez quel est mon devoir dans cette occasion-ci, madame. La conséquence est aisée à tirer. Très aisée, seigneur Frédéric, vous avez raison. Dès que vous me renvoyez à votre conscience, je l'ai dit. Je sais quelle espèce de devoir sa délicatesse peut vous dicter. Sur ce pied-là, madame, loin de conseiller à la princesse de laisser échapper un homme aussi dangereux que l'Hélio et qui pourrait le devenir encore, vous trouverez bon que je lui montre la nécessité qu'il y a de m'en laisser disposer d'une manière qui sera douce pour l'Hélio et qui pourtant remédiera à tout. Qui remédiera à tout, le scélérat. Je suis curieux, seigneur Frédéric, de savoir par quelle voie vous rendriez l'Hélio suspect. Voyons de grâce jusqu'où l'industrie de votre iniquité pourrait tromper la princesse sur un homme aussi ennemi du mal que vous l'êtes du bien. Car voilà son portrait, mon... Vous emportez sans sujet, madame. Encore une fois, cachez vos chagrins sur le sort de cet inconnu. Il vous ferait tort. Et je ne voudrais pas que la princesse en fût informée. Vous êtes du sang de nos souverains. L'Hélio travaillait à se rendre maître de l'État. Son malheur vous consterne. Tout cela amènerait des réflexions qui pourraient vous embarrasser. Allez, Frédéric, je ne vous demande plus rien. Vous êtes trop méchant pour être à craindre. Votre méchanceté vous met hors d'état de nuire à d'autres qu'à vous-même. À l'égard de l'Hélio, sa destinée, non plus que la mienne, ne relèvera jamais de la lâcheté de vos pareils. Madame, je crois que vous voudrez bien me dispenser d'en écouter davantage. Je puis me passer de vous entendre achever mon éloge. Voici monsieur l'ambassadeur et vous me permettrez de le joindre. Il me fera raison pour tout. Seigneur, veuillez m'accorder une grâce. Je vous la demande avec la confiance que l'ambassadeur de moi si vanté me paraît mériter. La princesse est irritée contre l'Hélio. Elle a dessein de le mettre entre les mains du plus grand ennemi qu'il est ici, c'est Frédéric. Je réponds cependant son innocence. Vous en dirai-je encore plus, seigneur? L'Hélio, mes chers, c'est un aveu que je donne au péril où il est. Le temps vous prouvera que j'ai pu le faire. Sauvez l'Hélio, seigneur! Engagez la princesse à vous le confier. Vous serez charmé d'avoir servi quand vous le connaîtrez. Et le roi de Castille même vous saura gré du service que vous lui rendrez. Dès que l'Hélio est désagréable à la princesse et qu'elle l'a jugée coupable, monsieur l'ambassadeur n'irait pas lui faire une prière qui lui déplairait. J'ai meilleure opinion de la princesse. Elle ne désapprouvera pas une action qui d'elle-même est louable. Oui, madame, la confiance que vous avez en moi me fait honneur. Je ferai tous mes efforts pour la justifier. Je vois la princesse qui arrive et je me retire, sûre de vos bontés. Dix enfants de venir et qu'on amène les lieux. Madame, puis-je espérer que vous voudrez bien obliger le roi de Castille? Ce prince, en me chargeant des intérêts de son cœur auprès de vous, m'a recommandé encore d'être secourable à tout le monde. C'est donc en son nom que je vous demande de pardonner à l'Hélio les sujets de colère que vous pouvez avoir contre lui. Quelque obstacle qu'il ait mis au projet de mon maître, il faut que je lui rende justice, il m'a paru très estimable, et je saisis avec joie l'occasion qui s'offre de lui être utile. Rien de plus beau que ce que fait monsieur l'ambassadeur en faveur de l'Hélio, madame. Mais je m'expose encore à dire qu'il y a du risque à le rendre libre. Je le crois incapable de rien de criminel. Laissez-nous, Frédéric. Souhaitez-vous que je revienne, madame? Il n'est pas nécessaire. La prière que vous me faites aurait suffi, monsieur, à m'engager à rendre la liberté à l'Hélio, quand même je n'y aurais pas été déterminée. Mais votre recommandation doit hâter mes résolutions. Et je ne l'envoie chercher que pour vous satisfaire. L'Hélio, je croyais avoir à me plaindre de vous, mais je suis détrompée. Pour vous faire oublier le chagrin que je vous ai donné, je vous ai mis Hortense, et elle vous aime, et je vous unis ensemble. Pour vous, monsieur, qui m'avez prié si généreusement de pardonner à l'Hélio, vous pouvez aller informer le roi, votre maître, que je suis prête à recevoir sa main et à lui donner la mienne. J'ai grande idée d'un prince qui sait se choisir des ministres aussi estimables que vous. Et son cœur... Madame, il ne me sierait pas d'en entendre davantage. C'est le roi de Castille lui-même qui reçoit l'honneur pour vous le combler. Vous, seigneur, ma main est bien due à un prince qui la demande d'une manière si galante et si peu attendue. Quant à moi, madame, il ne me reste qu'à vous jurer une reconnaissance éternelle. Vous trouverez dans le prince de Léon le même zèle qu'il eut pour vous en qualité de ministre. Et je me flatte qu'à son tour, le roi de Castille voudra bien accepter mes remerciements. Prince, votre rang ne me surprend pas. Il répond aux sentiments que vous m'avez montrés. Allons, madame. De si grands événements méritent bien qu'on se hâte de les terminer. Pourtant, sans moi, il y aurait encore eu du tapage. La radiodiffusion française vient de vous présenter en transmission différée la diffusion du spectacle de la Comédie française à Paris, Salle Richelieu. Vous avez entendu Le prince travesti ou l'illustre aventurier, comédie en trois actes en prose de Marie Beau, qui vous a été donnée avec le concours de Jean Dubucourt, Jean Meyer, Daniel Lecourtois, Robert Hirsch, avec Lise Delamarre, Denise Naël, Marie Sabouret et Jean-Louis Le Goff. La mise en scène était de Jean Dubucourt. La collaboration technique était assurée par le personnel des services des transmissions extérieures.